السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم en cette soirée du samedi 6 Muharram 1430، ce qui correspond avec le 3 janvier 2009 بإذن الله عز وجل. Donc nous sommes inshallah ta'ala, nous sommes toujours avec le sublime livre Al-Aqida al-Wasitiyya de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Nous sommes dans le deuxième tome, dans le 27e cours bi'idhnillah azza wa jalla. Nous avons dit aussi la fois passée, nous avons dit que le jour de la résurrection, il va y avoir 12 grands événements. 12 grands événements. Le premier, c'était, on avait dit que les âmes allaient revenir vers leur corps. Le deuxième, فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ عُرَاتٍ حُفَاتٍ غُرْلًا. Le deuxième, c'est quoi? Le deuxième grand événement, c'est que les gens se laveraient de leur tombe pour aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, pieds nus, nus et incirconcis. Troisième grand événement, تَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسِ. Le soleil va se rapprocher des hommes, des créatures. Quatrième grand événement, yuljimuhumul gharaq, ils seront noyés dans la sueur. Cinquième grand événement, fa tunsabu al-mawazin, tunsabu al-mawazin, c'est-à-dire les balances seront installées. Et c'est là, bi'idhnillah ta'ala, qu'on s'était arrêté dans l'installation des balances. Et juste pour réviser, avant de commencer le premier cours, dont le titre est Tunsharu Dawawin, les registres seront publiés, la publication des registres. Le cours d'aujourd'hui, la publication des registres. Naam. Et peut-être, si on a du temps, peut-être aussi que Allah subhanahu wa ta'ala va juger les créatures, le jugement des créatures. Al-Muhim, nous allons commencer par une petite révision. Donc la fois passée, la dernière chose dont on a parlé, c'était que les balances allaient être installées. Et rappelez-vous bien, pour résumer, j'avais dit que il y avait trois sortes, ou bien trois choses, qui vont être pesées le jour de la résurrection. C'était les actions, et les registres, les livres où sont marqués les bonnes et les mauvaises œuvres, et les personnes elles-mêmes. Donc, en général, ils sont tous unanimes, les savants, pour dire que les œuvres, c'est-à-dire les actions, bonnes ou mauvaises, vont être pesées. Et certains ont ajouté, avec des délits authentiques qu'on a cités, que les registres aussi allaient être pesés, comme dans le cas de la fiche, si vous vous rappelez, le hadith de la fiche. Et certains ont ajouté que même certaines personnes vont être pesées et se sont basées sur le hadith qu'on a cité lorsque le compagnon radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud, avait grimpé sur un arbre et on avait ri de son tibia. Et que le messager d'Allah alayhi sallam a dit que, je jure par Allah, que le tibia de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sera plus lourd dans la balance demain que Jabal, la montagne de Uhud. De là, les savants ont dit, donc il y a des personnes aussi qui vont être pesées. Ensuite, autre chose qu'on avait dite et qui est très importante, c'est que les gens de la sunna et du consensus disent que cette balance demain sera une vraie balance et non pas c'est un symbole de la justice, comme disent le Mu'tazila et les autres, qui disent c'est pas possible, il n'y a pas de balance, Allah Ta'ala n'a pas besoin de balance pour peser, pour voir yani, quel est le plateau qui est monté, quel est le plateau qui est descendu. Tout ça, Allah Ta'ala n'a pas besoin de ça. Ils ont dit, c'est juste un symbole et une métaphore. C'est un exemple que Allah Ta'ala a donné pour dire qu'il est juste et équitable. Nous, on dit, attention, tu es dans la aqida des Mu'tazila. Naam. Si tu es un sunni, tu dois dire qu'il y a une vraie balance. Naam. Comme il y a un vrai pont, comme il y a un vrai paradis, comme il y a un vrai quoi? Un vrai enfer. Et comme ça. Al-Muhim. Quant au dars d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est donc sixièmement, il a dit ici, la publication des registres. Les registres vont être publiés. Il a dit ici, Tuncharu, Cheikh Ibn Uthaymin Lahmo explique. Qu'est-ce que ça veut dire Tuncharu? Il a dit, il a dit les registres, les livres dans lesquels c'est écrit les bonnes et les mauvaises œuvres qu'on a faites, il a dit, ces livres, ces registres vont être distribués. Chacun doit lire son registre. Donc, ils vont être distribués. Chacun lui donne son registre. Et on va l'ouvrir, ce livre, ou ce registre, pour que la personne à laquelle on a donné ce livre puisse lire ce qu'il y a à l'intérieur. Il a dit, « وَدَّوَوِنْ des registres جِمْعُ diwan. C'est le pluriel de « diwan ». En arabe, on dit « un diwan des dawawin ». Un registre des registres. Ensuite, il a dit, يعني التي كتبتها الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم. Il a dit ici, de quel registre on est en train de parler? Il a dit, les registres que les anges, quels anges? Les anges qui ont pour mission d'écrire les œuvres des créatures, les œuvres des personnes, il a dit, ces anges-là, ont écrit tout ce qu'ont fait les hommes, les êtres humains, l'âme, et yani, ont écrit ça dans des livres. C'est ces écrits-là, c'est ces livres-là qui vont être publiés. Alors, peut-être quelqu'un va dire, qu'est-ce qu'on va publier? D'où est venu ce livre? Je dis le livre que les anges qu'on a, on a un ange à droite et un ange à gauche, c'est quoi leur mission? Spécialement pour écrire ce qu'on fait, spécialement. Là, juste j'ouvre une parenthèse pour dire que certains se trompent quand ils lisent le verset qui dit Abu Safiya, je te donne le micro. Zakarni bil aya wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Zakarni tu bil aya barakallahu fik, tafadhal. Tayyib, je crois que le frère n'est pas avec nous. Naam. Je crois que le frère n'est pas avec nous. Je viens de vous rappeler le verset. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ici, quand il a dit raqibun 'atid, certains ont cru que Atid, ce sont Raqib et Atid, ce sont deux noms des anges. Or, Raqib et Atid, ça veut dire que ce sont des attributs, ce ne sont pas des noms, hein, ce ne sont pas les noms des deux anges. Al-Muhim. Ensuite, il a dit, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Kalla, bel tukadhibuna bid-din. Non, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge. Wa inna alaykum la hafidin. Alors que veillent sur vous des gardiens, qui ramènent Katibin, de nobles scribes qui écrivent. Naam. Qui ramènent Katibin, ya'lamouna matfa'adoun, qui savent ce que vous faites. Qui ramènent Katibin, ya'lamouna matfa'adoun, qui savent ce que vous faites. Donc, les anges gardiens qui sont avec nous savent, naam, savent ce qu'on fait. Et tout ce qu'on dit est écrit là-bas. Tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait est écrit dans un livre. Ensuite, il a dit, فيكتب هذا العمل. نعم il a dit donc l'œuvre qu'on fait est écrite sur ce livre ويكون لازما للانسان في عنقه. Et ensuite ce livre là cet écrit où il y a les choses écrites, نعم Allah Ta'ala va l'attacher sur le cou de la personne. Chaque personne a un livre qui sera attaché sur son cou. نعم فاذا كان يوم القيامه اخرج اخرج الله هذا الكتاب فاذا كان يوم القيامه اخرج الله هذا الكتاب il a dit et quand viendra le jour de la résurrection Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire sortir ce livre et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran wa kull insan alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi نعم et au cou de chaque homme nous avons attaché son œuvre nous avons attaché son œuvre ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا et au jour de la résurrection nous lui sortirons un écrit ou bien un livre qu'il trouvera déroulé اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا aujourd'hui tu te suffis d'être ton propre comptable tu te suffis d'être ton propre comptable قال بعض السلف لقد انصفك من جعلك حسيبا على نفسك certains des salaf ont dit celui نعم qui subhanallah al-azim t'a permis que tu sois ton propre comptable, c'est toi qui comptes et pas un autre qui compte à sa place. Ils ont dit, celui-là vraiment, il a été, yani, on ne peut plus juste avec toi. Naam, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, yom al-qiyama, il va te dire, c'est toi qui comptes. Lis ce que tu as fait et yani, apprends aux gens, apprends aux autres, lis ce qu'il y a dans ton livre et ce que tu as fait. Et c'est toi qui comptes. Combien tu as de bonnes actions ou bien de mauvaises actions. C'est toi qui médite sur ce que tu as fait, subhanallah al-azim, si Allah Ta'ala avait voulu, il aurait fait venir un comptable, un ange, spécialement dans la comptabilité. Mais Allah Ta'ala veut que ce soit nous-mêmes qui lisons, chacun va lire son livre, naam. وَالْكِتَابَةُ فِي صَحَائِفِ الْأَعْمَالِ إِمَّا لِلْحَسَنَاتِ وَإِمَّا لِلسَّيِّئَاتِ Et ce que ces anges vont écrire dans ces livres qu'il y a autour de nos coups, qu'est-ce qu'ils vont écrire? Ils vont écrire ou bien les bonnes œuvres, ou bien les mauvaises œuvres. Il n'y a pas autre chose. Ou bien les bonnes œuvres, ou bien les mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres, c'est-à-dire les péchés. « وَالَّذِي يُكْتَبُ مِنْ الْحَسَنَاتِ مَا عَمِلَهُ الْإِنسَانِ وَمَا نَوَهُ وَمَا هَمَّ بِهِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَا » Donc, remarquez bien avec moi et suivez bien avec moi. Ce que les anges écrivent dans les livres, ça se divise en deux. Ou bien les bonnes œuvres, les hasanat, ou bien les siyat et les péchés. Un, si c'est les hasanat, si c'est les bonnes choses, ça se divise en trois. Ce qu'on a fait de bien, ce qu'on avait l'intention de faire de bien, et ce qu'on désirait faire, trois choses. Je répète, ce que les anges écrivent dans les livres se divise en deux, ou bien les bonnes œuvres, ou bien les mauvaises œuvres. Un, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres se divisent en trois. Petit a, ce qu'on a fait. Petit b, ce qu'on avait l'intention de faire. Petit c, ce qu'on désirait faire. Et la différence entre ce qu'on avait l'intention de faire et ce qu'on désirait faire, c'est le désir, c'est un peu plus fort. Car avoir l'intention de faire, c'est juste par exemple se dire dans la tête, yani, inshallah, j'ai l'intention d'aller dans le hajj, j'ai l'intention d'aller au hajj, j'ai l'intention de jeûner. C'est quelque chose qui passe dans le cœur et qui peut peut-être partir. Mais désirer, c'est un peu plus fort. C'est prémédité, c'est khlas. Yani on est sur le point de faire. Le mouhim, on va expliquer ça, inshallah ta'ala, avec les détails. Donc, quant à, il a dit, فَأَمَّا مَا عَمِلَهُ الْإِنسَانِ فظاهرون أنه يكتب. Quant aux bonnes actions, les actions, c'est-à-dire les bonnes, là, il a dit c'est clair que ça va être écrit. Là, c'est pas la peine yani, de perdre beaucoup de temps. C'est clair que tout ce qu'on fait va être écrit, surtout les bonnes actions. Quant à ce qu'il a eu dans l'intention de faire, c'est tout, mais des bonnes actions. فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ لَكِنْ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ النِّيَّةِ فَقَدْ كَمِلًا. Il a dit, quant à ce qu'il avait dans le cœur, comme bonne intention de faire, Allah Ta'ala va lui écrire la récompense de l'intention, et non pas la récompense de l'action. Car il n'a pas fait d'action, il a eu seulement une intention de faire. Non. كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبيل الله فقال الرجل الفقير لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجره ما سوا. نعم. Il a dit, c'est comme dans le hadith qui est hadith authentique authentifié par Sheikh Al-Albani الله يرحمه. نعم. Et rapporté par Tirmidhi et Ahmed aussi. Il a dit, le hadith où il est dit, entre autres, qu'il y avait un homme très riche, Naam. Et cet homme riche travaillait avec son argent, fils Abdullah. Il donnait le monde, il construisait des mosquées, il payait, par exemple, aux gens le hajj, un mohim. Il mariait les gens, il faisait beaucoup de choses, fils Abdullah Azzawajal. Or, il y avait un autre homme qui n'avait rien, n'avait pas un sou. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans son cœur, si j'avais, comme à cet homme, peut-être qu'il a dit dans son cœur, peut-être qu'il a dit à quelqu'un, Naam, il a dit, si j'avais, comme à cette personne, combien, j'aurais fait exactement comme lui. J'aurais construit des mosquées, j'aurais marié des gens, j'aurais envoyé des gens au hajj, j'aurais. Le messager d'Allah, alayhi sallam, quand il a dit, فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُ مَسَوَى. Il a dit, ces deux hommes ont les mêmes, quoi? Ont les mêmes récompenses au niveau de quoi? Au niveau de l'intention. Donc, ces deux hommes, il y a le riche qui faisait de bonnes actions, et il y a le pauvre qui a seulement eu l'intention de faire. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné au riche deux choses. Il lui a donné des récompenses pour avoir fait, et des récompenses aussi pour la niya, car il a fait avec la niya que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'autre, Allah ta'ala lui a donné seulement quoi? La récompense de la niya, la récompense de l'intention. Naam. Wa yadullu ala annahuma laysa sawa'an fil ajri min haythu al-amal anna fuqara' al-muhajirin lamma ataw ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qalu ya rasulullah inna ahla ad-dutur sabaquna fa qala lahum tusabbihun wa تحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 فلما سمع الأغنياء بذلك ففعلوا مثله فخرج الفقراء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولم يقل لهم إنكم بنيتكم أدركتم عملهم رواه البخاري. Il a dit, quelle est la preuve que celui qui a une bonne intention, Allah Ta'ala lui écrit la récompense de l'intention seulement et ne lui écrit pas la récompense de l'action. Quel est le dalil? Le hadith authentique dans le Bukhari et qu'on a cité aussi une fois, Naam, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les pauvres sont venus une fois vers lui et lui ont dit, les riches ont tout pris, Naam, et ils ont pris toutes les récompenses. Pourquoi? Ils ont dit parce que les riches ont de l'argent et nous on n'a pas. Les riches construisent des mosquées, les riches marient des gens, les riches donnent des aumônes, les riches. Nous on n'a rien. Donc ils sont mieux que nous, ils ont tout pris. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous voulez que je vous montre quelque chose? Je vais vous montrer quelque chose pour que vous soyez comme eux ou pour que vous les dépassiez. Il a dit, après chaque salat, vous dites 33 fois, subhanallah, 33 alhamdulillah et 30 fois, Allahu Akbar. Il a dit, vous faites comme ça, vous serez comme eux ou mieux. Alors les riches ont entendu de cela. Ont entendu ce qu'a dit le messager d'Allah aux pauvres. ils ont commencé eux aussi à dire après chaque salat 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdoulillah, 33 fois Allahu Akbar. Alors les pauvres sont allés une deuxième fois se plaindre au messager d'Allah et lui dire, maintenant c'est le même problème, on n'est pas égaux, parce que eux aussi ils disent ce qu'on dit, donc ils nous dépassent toujours dans le fait que ils ont de l'argent et ils travaillent avec leur argent. Le messager d'Allah a répondu, qu'est-ce qu'il a dit? Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ça c'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le messager d'Allah ne leur a pas dit, avec votre niya, avec votre intention, vous avez la même chose. Donc, le messager d'Allah veut prouver ici quoi? Que, avec l'intention, tu as les récompenses de l'intention, mais tu n'as pas la récompense des actions. Regardez ici avec les riches. Il a dit, Naam, les riches, vous avez comme eux, quoi? La récompense de l'intention. Mais ils vous dépassent dans le fait qu'ils font des actions que vous ne faites pas. Ils ont de l'argent et ils travaillent fils et bidla avec cet argent et vous n'avez pas de l'argent. Naam. Donc ça, c'est quoi? C'est le délil que quand quelqu'un a une bonne intention, Allah Ta'ala lui donne la récompense de la bonne intention. طيب. Il a dit, وَلِأَنَّ هَذَا هُوَ الْعَدْلِ فَرَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ لَا يَكُنْ كَالَّذِي عَمِلَ لَكِنْ يَكُنْ مِتْلَهُ فِي أَجْلِ النِّيَّةِ فَقَدْ. Il a dit, et c'est ça la vraie équité, la vraie justice. C'est ça la vraie justice. C'est quoi? C'est que il est impossible que deux personnes, naam, une personne a seulement l'intention de faire le bien et la deuxième personne a l'intention de faire le bien et le fait, elle fait ce bien et vous voulez qu'elle soit à pied d'égalité. Il a dit, ça c'est pas possible. Ce n'est pas de la justice. La justice veut quoi? Veut que celui qui fait, hein, a plus de récompenses que celui qui a seulement l'intention. C'est ça la justice. Subhanallah l'adim. Lorsque il est à la maison, il fait seulement des intentions dans le cœur. Et moi, je prends mon argent, je donne ses billets, je cours chez les gens, je fais ceci, je fais cela. Et l'autre seulement avec son cœur, il a des récompenses comme moi. Ce n'est pas possible. Non. Maintenant, je résume pour qu'on ne perde pas le fil. On est en train de parler de quoi? De ce qui est écrit dans le livre. Et on a dit qu'il se divisait en deux, les bonnes actions et les mauvaises. Maintenant, on parle des bonnes actions. Il y a trois choses qui s'écrivent. Les actions, dans les bonnes actions, il y a trois choses qui s'écrivent. Les actions elles-mêmes, la bonne intention, et maintenant on passe à petit 3, le désir. Hein, le désir quand il est bon aussi. En arabe, on dit niya pour l'intention. Et maintenant, par d'autres choses que j'ai appelées désir, je ne sais pas exactement comment on dit en français, ici, en arabe, on dit l'hem. L'hem, c'est quelqu'un qui a quelque chose dans son cœur, yani, qu'il voudrait faire. Mais c'est plus fort que l'intention. C'est beaucoup plus fort. Ça s'appelle l'hem. Naam. Tayyib. Il a dit, wa amma l'hem. Quant à ce désir lui-même, il se divise en deux sortes. La première, l'awwal, an yahumma bi shay'i. ويفعل ما يقدر عليه منه ثم يحال بينه وبين إكماله فهذا يكتب له الأجر كاملا. Il a dit, le fait de désirer une bonne chose ou une bonne action, quand on la désire dans le cœur et qu'on veut la faire tirer, c'est seulement dans le cœur, mais on la désire, il a dit, ça se divise en deux. A, petit a, il désire cette chose, la bonne action, il la désire. Et ensuite, il fait ce qu'il peut, il commence à faire, ensuite, il la termine. Donc, A, il désire la chose, il commence à la faire, et il la termine pas. Il a dit ici, Allah Ta'ala va lui écrire, naam, la récompense complète, même si la chose qu'il a commencé à faire, il l'a pas terminée. Il a cité le verset, ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. Et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager et que la mort l'atteint, sa récompense incombe à Allah. النساء 100. Je répète, écoutez bien ce qu'a dit Allah Ta'ala. Et quiconque sort de sa maison avec quoi? Avec le désir d'émigrer vers Allah et son messager. Et que la mort atteint. Il est sorti, mais il est mort en route. Sa récompense incombe à Allah. Donc toute personne qui a un désir, un grand désir dans le cœur de faire une bonne chose, ensuite elle la commence et elle la termine pas. Celle-là, Allah Ta'ala lui écrit la récompense complète. Je donne un exemple. Quelqu'un a dit, demain, je vais donner 100 euros. Naam, à quelqu'un, il a mis peut-être sur quelqu'un dans la tête. Le matin, il s'est levé et il est sorti pour aller vers cette personne. Et cette personne, yani celle qui voulait donner, une crise cardiaque, la qadar Allah, elle est morte. Allah Ta'ala, quand elle va le rencontrer, elle va trouver dans son livre que c'était écrit qu'elle avait donné ses 100 euros à cette personne. Pourquoi? Car elle a eu le désir et ensuite elle a commencé. Elle a pris l'argent, elle est sortie dans la rue. Et Allah Ta'ala a écrit sa mort, mais sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose, elle est arrivée avec cet argent chez la personne, on lui a dit, la personne que tu cherches est morte. Que tu cherches est morte. Il a dit, Allah Ta'ala va lui écrire, c'est comme si elle avait donné cet argent à cette personne. Ou bien on lui dit, la personne a déménagé et qu'on n'ait pas son adresse. Allah Ta'ala va lui écrire la récompense. Pourquoi? Parce que le désir ici a été suivi par quoi? Il a commencé à faire la chose. Et une chose est survenue qui le dépasse. Une chose qui le dépasse. Naam. Le Cheikh Lahmou ici dit, quelque chose de mashallah. Il a dit وَهَذِهِ بُشْرَ وَهَذِهِ بُشْرَ لِي à la bête il'in. Il a dit donc ça c'est une bonne nouvelle. Je vous annonce la bonne nouvelle. Il a dit pour ceux qui cherchent la science, pour ceux qui sont en quête de la science religieuse. Cheikh Ibn Othim Lahmouj dit je vous annonce la bonne nouvelle, vous, les étudiants et les étudiantes. إِذَا نَوَى الْإِنسَانَ يَطْلُبَ الْعِلْمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَ النَّاسَ بِعِلْمِهِ ويذب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وينشر دين الله في الأرض ثم لم يقدر على ذلك بأن مات مثلا وهو في طلبه فإنه يكتب له أجر من وهو سعيده. Il a dit si une personne par exemple a eu le désir dans son cœur, l'ami a eu le désir de demander cette science religieuse dans le but de propager cet islam, dans le but de défendre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non, pour que cet islam, le vrai islam, pas le faux, islam des tablirs, non, le vrai islam, et il a dit, ou l'islam des Habesh, le faux, et il a dit, ensuite cette personne, quand elle a commencé, 5 mois, 6 mois, une année, elle est morte, elle n'a pas encore appris le nécessaire pour pouvoir propager. Il a dit, Allah Ta'ala va lui écrire, c'est comme si elle a atteint, elle avait atteint, non, atteint yani, le statut de quelqu'un qui peut propager, et c'est comme si elle avait propagé ce din. Allahu Akbar, ça, Cheikh dit, c'est une bonne nouvelle, une très grande nouvelle pour les étudiants et les étudiantes. Bel, inna l'insana idha kana min adatihi l'amal, wa hila baynahu wa baynahu li sabab, fa innahu yuktabu lahu ajruh. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, idha marida l'abdu wa safar, kutiba lahu mitlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ou le Bukhari ou Ghiru. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que naam, si jamais une personne naam, qui lorsqu'elle n'était pas malade et lorsqu'elle ne voyageait pas lorsqu'elle était dans son pays naam, faisait de bonnes œuvres, ensuite un jour elle tombera malade ou bien voyagera, Allah Ta'ala lui écrira quoi? C'est comme si elle n'était pas en voyage et c'est comme si elle était en bonne santé. Naam. Pourquoi? Pour les personnes qui quoi? Qui, lorsqu'elles sont pas malades et lorsqu'elles sont dans leur pays, mashallah, elles font les bonnes actions. Tout le monde sait que quand on tombe malade, on peut plus faire par exemple les nafilas. On peut plus jeûner beaucoup, on peut plus faire prier la nuit. Mais puisque tu es tombé malade et la maladie c'est pas toi qui l'a fait venir. Donc Allah Ta'ala va t'écrire quoi? Alors, tout en étant malade, va t'écrire les bonnes actions comme si tu n'étais pas malade et comme si tu jeûnais, comme si tu priais la nuit et comme ça. Et la même chose pour le voyageur. Quelqu'un quand il voyage, vous savez qu'il ne fait pas des rawatib. Non, il ne fait pas des rawatib par exemple. Il ne jeûne pas. Mais Allah Ta'ala va lui écrire, c'est comme s'il faisait des rawatib, c'est comme s'il jeûnait. Pourquoi? Parce que le voyage, c'est une quoi? C'est une permission d'Allah Azzawajal. Il t'a permis de ne pas faire des rawatib et il te les donne. Et il te les donne de par sa grâce. De par sa grâce. Et enfin, le qism thani, c'est quoi? On avait dit que le désir, le grand désir, se divisait en deux. Qu'il commence à le faire et qu'il n'arrive pas à le faire, on a cité les cas. Et le deuxième petit cas, c'est quoi? أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه فيكتب له به حسنة كاملة. La deuxième sorte du désir, c'est que il désire cette chose, نعم, il désire cette chose, ou يتركه, et ensuite ne fait pas cette chose alors qu'il pouvait faire cette chose. Allah Ta'ala a dit, Allah Ta'ala ici va lui écrire une récompense complète. À cause de quoi? À cause de sa niya. Naam, Allah Ta'ala va lui écrire une hasana complète. À cause de quoi? À cause de sa niya. Je donne un exemple. Si vous avez remarqué, quand on est en train de parler de désir, ça, on a dit qu'il divisait en deux. Le premier, c'était quoi? C'était il désire faire une chose et il commence à la faire. J'ai donné l'exemple de celui qui prend l'argent et il va chercher la personne et c'est vrai, il meurt. Et on a donné l'exemple de celui qui avait l'habitude de jeûner, etc. Et il est tombé malade. Maintenant, la deuxième sorte, c'est tu as seulement le désir, mais tu ne fais pas la chose. C'est comme quelqu'un qui dit, par exemple, demain, je vais donner en aumône 10 euros. Ensuite, le lendemain, il se lève, il change d'avis. Il dit, au lieu de les donner, pourquoi je ne vais pas acheter, par exemple, un livre? Il va acheter un livre. Celui-là, Allah Ta'ala va lui écrire une récompense complète. C'est quoi la récompense? La récompense de quoi? Du désir, de la bonne niya. Car il avait la niya, il avait le désir dans le cœur et ensuite il s'est rétracté. Le fait déjà d'avoir le désir dans le cœur, même si tu te rétractes après, comme ça, yani, sciemment, sans raison, tu te rétractes, Allah Ta'ala te donne la récompense. Subhanallah, l'adhim. Subhanallah al-Azim, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment qu'elle est grande et combien qu'elle est grande. Barakallahu fikoum pour le numéro 1. Combien qu'elle est grande, la grâce d'Allah azza wa jalla. Le fait seulement que tu dises dans ton cœur, même que je désire faire cette chose, et ensuite, c'est toi qui te désistes de toi-même, tu dis khlas, je ne la fais pas. Subhanallah ta'ala, Allah te l'écrit, il va t'écrire la récompense complète de l'intention et du désir. Ma a'zama. Combien la grâce d'Allah Azza wa Jal est grande. Passons maintenant au seyyi'at. Passons maintenant aux péchés et aux mauvaises actions qui vont être écrites sur quoi? Sur les registres. Wa amma seyyi'at fa innahu yuktabu 'ala al-insani ma 'amila wa yuktabu 'alayhi ma arada wa sa'a fihi walakin 'ajaza 'anhu. Quant au siyyat, quant au péché, les mauvaises actions, il y a trois sortes. On va lui écrire, on va écrire à la personne ce qu'elle a fait comme mauvaise action. Ça c'est clair. On va lui écrire dans le livre ce qu'il a fait comme vol, comme médisance, comme prière il n'a pas fait à l'heure, comme al-muhim. Toutes les mauvaises actions vont être écrites sur le registre. Deuxièmement, on va lui écrire aussi ce qu'il a eu comme désir dans le cœur, hein, et a essayé de le faire, mais n'a pas pu le terminer. On va lui écrire aussi ce qu'il a eu dans le cœur comme mauvaise intention, hein, et qu'il a essayé de faire, et il n'est pas arrivé à son but. On va expliquer bien sûr. Et on va lui écrire troisièmement tout ce qu'il a eu dans le cœur comme intention et souhait de mauvaises choses. Hein? Intention et il a souhaité beaucoup de choses qui sont mauvaises. Non. Premièrement, quant au fait qu'on lui écrive les mauvaises actions, il a dit hada wadih. Ça c'est clair, c'est pas la peine d'en parler. C'est clair que Allah Ta'ala va tout écrire dans ce livre, yani toutes les mauvaises actions. Deuxièmement, yuktabu alayhi kamilan. Li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, si jamais il a souhaité faire une mauvaise chose et il a commencé à la faire, ensuite il n'a pas pu la terminer, Allah Ta'ala va lui écrire naam, une siya complète, un péché complet. Pourquoi? Parce qu'il a souhaité à faire la chose, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à la faire et n'a pas pu la terminer. Il a donné l'exemple que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné lorsqu'il a dit إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. Le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit si, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ, si les musulmans se rencontrent avec leurs épées, si deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, c'est-à-dire pour s'entretuer, alors الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ, alors celui qui tue et celui qui a été tué iront en enfer. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قالوا يا رسول الله. C'est un peu difficile à comprendre, ils ont dit. Ya Rasulallah, celui qui a tué, c'est clair qu'il va aller en enfer. Mais on ne comprend pas pourquoi celui qui a été tué ira aussi en enfer. Ça, on n'arrive pas à le comprendre. Celui qui va tuer, c'est clair. Il a tué, subhanallah l'adim, il va en enfer et il mérite. Mais le problème, celui qui a été tué, le pauvre, il a été tué, il a eu la tête coupée. Comment se fait-il qu'il aille en enfer? Le messager d'Allah a répondu, لِأَنَّهُ كَانَ حَارِيسًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ. Hadith authentique, il a dit, parce que il était haris, yani, il était soucieux, n'am, de quoi? De tuer le deuxième. Mais ce qui l'a empêché de le tuer, c'est le fait d'avoir été tué. C'est-à-dire, en d'autres termes, si cette personne n'a pas été tuée, ce serait elle qui aurait tué l'autre. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Celui qui a été tué, s'il n'a pas été tué, il aurait tué celui qui l'aurait tué. Donc, il a dit, ces deux-là vont aller en enfer. Donc, vous voyez pourquoi ? Parce que on est en train de parler de celui qui a l'intention et qui fait la chose mais ne la termine pas. Celui-là, il a pris l'épée, il est sorti et il a commencé à frapper avec son épée, mais au lieu de tuer, il n'a pas pu. Il a été tué, Allah Ta'ala va lui écrire, c'est comme s'il avait tué. Naam. Ici, Ibn Hajar, rahimahullah, a montré une chose très importante. Il a dit, le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait dit que les deux iront en enfer, il a dit, et ça c'est merveilleux ce qu'il a dit, mashallah, il chauffe les savants comment qu'il voit les choses, il a dit, le fait que le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit que les deux seraient en enfer, il a dit, ça ne veut pas dire que ils auront le même statut en enfer. Chef, si c'était nous, on n'aurait pas compris ça, on dit les deux sont en enfer, khlas. Les deux années, ils vont rester la même période ou là, le même châtiment ou là, alors que ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Une de ces deux personnes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est entretuée et a tué. Elle a pris le sabre et s'est entretuée avec la personne. Voilà la première faute. Et la deuxième, elle a tué. Quant à l'autre personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est entretuée, c'est tout. Elle a pris le sabre, elle s'est battue et elle est morte. Il y a une grande différence entre celui qui prend le sabre et tue, et celui qui prend le sabre et se fait tuer. Mais les deux iront en enfer. Les deux, comme j'ai dit, avec un statut différent en enfer. Naam. C'est ça, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que quand même, il sera en enfer. Allahu Akbar. Quand même, il sera en enfer alors qu'il est mort. Hein? Alors qu'il est mort. Wa mitluhu man hamma an yashrub al-khamra. ولكن حصل له مانع فهذا يكتب عليه الوزر كاملا لأنه سعى فيه. Il a dit la même chose pour celui qui, par exemple, a eu dans l'intention, dans le désir, de boire l'alcool. Ensuite, il s'est passé quelque chose qui l'a empêché de boire. Il a dit, Allah Ta'ala va lui écrire, c'est comme s'il avait bu l'alcool. Naam. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, je vais boire un verre d'alcool. Et il est allé vers le bar ou la brasserie où on boit, et il a trouvé la brasserie fermée. Ou bien il est rentré, on lui a dit, il n'y a pas d'alcool, on ne vend pas l'alcool ici. On vend seulement le thé. Celui-là, Allah Ta'ala va lui écrire comme s'il avait bu de l'alcool. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui, en cours de chemin, a changé d'intention. Il a dit, A'udhu billah, c'est haram. Mais il a voulu boire, il n'a pas trouvé. Naam. Un autre exemple, le cheikh n'a pas cité, mais moi je vous le dis, c'est quelqu'un qui a rendez-vous, prend rendez-vous avec une femme pour faire avec elle le haram. Et lorsqu'il va pour la rencontrer, naam, il ne la trouve pas. Mais lui, il a attendu au moment précis, à l'endroit précis, et elle n'est pas venue. Celui-là, il va revenir à la maison bredouille, alhamdoulilah pour lui, mais celui-là, chez Allah Ta'ala, c'est comme s'il avait fait la zina avec cette femme. Allahu Akbar. Mais bien sûr, dans la sharia, on ne va pas le lapider ou le fouetter, parce qu'il n'a pas fait la chose. Mais il a fait la chose avec l'intention. C'est dans le cœur. Et la troisième chose qu'il y a dans le cœur et qui va être inscrite dans les mauvaises actions, c'est quoi? C'est الَّذِينَ وَهُوَ وَتَمَنَّهُ لَكِمْ بِالنِّيَّ فَقَدْ ومن الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أعطاه الله مالا فكان يتخبطه فيه فقال رجل فقير لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما سواء حديث صحيح. Maintenant, la troisième chose, c'est souhaiter seulement dans le cœur une mauvaise chose, mais ne pas la faire. Désirer avec le cœur une mauvaise chose, mais ne pas la faire. Ce n'est pas comme ici, celui-là, il est allé au rendez-vous, il n'a pas trouvé la femme. L'autre, il est allé au bar, il l'a trouvé fermé, ou là, il a trouvé le thé. L'autre, il a pris le sabre et il a été tué. Mais maintenant, non. Seulement dans le cœur, et il ne fait pas la chose. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire quoi? Va lui écrire la mauvaise œuvre de péché de l'intention. Il a cité le hadith, un hadith authentique, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que il y avait un homme auquel Allah ta'ala avait donné beaucoup d'argent. Et cet homme, c'était pas quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un de pervers, quelqu'un qui ne faisait que le mal, et avec son mal, il faisait tous les péchés. Amen. Tous les péchés, il donnait, il achetait la drogue, il payait aux gens l'alcool, il faisait la zina, il faisait tous les péchés. Et il y avait un pauvre qui n'avait rien. Et il se disait dans son cœur, si j'avais, ou bien il se disait dans son cœur, ou bien il disait aux gens, il dit, si j'avais de l'argent comme X, j'aurais fait comme lui. Si j'avais de l'argent comme X, j'aurais fait comme lui. Cette personne qui a dit comme ça, l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la mauvaise action de l'intention. Pourquoi? Parce que elle a dit, naam, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la mauvaise intention. Elle a souhaité et elle a dit. Si seulement elle a souhaité, ensuite elle a dit, astaghfirullah, astaghfirullah, Allah ta'ala ne l'aurait pas écrit. Mais elle a souhaité, ensuite elle a dit. Donc elle a dépassé aussi le cap du cœur. Sortie vers l'extérieur, et elle a dit à quelqu'un, à son voisin, ou à son ami, ou là, si j'avais de l'argent comme X, j'aurais fait comme ça. Naam, celui-là, Allah Ta'ala va lui écrire, c'est comme s'il avait fait cette chose. Maintenant, une chose très importante. وَلَوْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ تَارَكَهَا فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةُ أَقْسَامِ. Et si jamais une personne souhaite et désire le péché, ensuite, elle ne le fait pas. Il a dit, cette chose se divise en trois. Cette chose se divise en trois sortes. إِن تَرَكَهَا عَدْزًا أَوْ تَرَكَهَا لِلَّهِ أَوْ تَرَكَهَا لِأَنَّ نَفْسَهُ عزفت عنها ولم تطرا على بالي. Il a dit ça, le fait de ne pas faire une chose, non, le fait de ne de souhaiter une chose, une mauvaise chose, et de ne pas la faire, ça se divise en trois. Non. Ou bien, il ne la fait pas parce qu'il n'a pas pu la faire. Ça, on l'a cité tout à l'heure. Il souhaite une mauvaise chose. Ensuite, pourquoi il ne la fait pas? Parce qu'il ne peut pas la faire. Je donne un exemple. Quelqu'un qui souhaite de faire la zina, mais il est malade d'une maladie qui ne lui permet pas, par exemple, d'avoir des rapports avec une femme. Donc celui-là, Allah Ta'ala, va lui écrire quoi? Yani, va lui écrire un péché. Pourquoi? Parce que il a souhaité, mais il n'a pas pu. C'est-à-dire, s'il avait pu, il aurait fait. Mais il était malade, il ne peut pas faire. Naam. Le deuxième cas, c'est que il ne fait pas, il souhaite une mauvaise action et il ne la fait pas. Pourquoi? Parce que il n'aime pas faire cette chose ou bien parce qu'elle ne lui est pas passée par l'esprit. Non. Quelque chose, par exemple, qui a souhaité boire de l'alcool, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas boire de l'alcool. Il a essayé. À chaque fois qu'il boit, par exemple, il vomit. Il dit, non, donc je ne vais pas boire. Est-ce que cette personne, Allah Ta'ala va lui écrire des hasanats? Non. Allah Ta'ala ne va pas lui écrire des hasanats. Pourquoi? Parce que il ne l'a pas délaissé, yani à cause d'Allah, mais il l'a délaissé parce que il n'aime pas la boire. Cette personne donc, non, s'il laisse une chose parce que il ne l'aime pas, ou bien parce que cette chose ne lui est pas passée par l'esprit. Par exemple, moi, je suis maintenant assis en face de vous en train de faire un das. Il ne m'est pas passé par l'esprit, il ne me passe pas par l'esprit maintenant que j'aille au bar pour boire. Naam. Et donc pour cela, je suis pas allé au bar. Pourquoi? Parce que ça ne m'est pas passé par l'esprit, par exemple. Donc, est-ce que Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va m'écrire? Ni un bien, ni un péché. Vous tous qui êtes maintenant en face du micro, il y a plusieurs péchés qui vous n'êtes pas en train de penser à ces péchés-là. Est-ce que Allah Ta'ala va vous écrire que vous avez fait le péché? Vous ne l'avez pas fait. Est-ce que Allah Ta'ala va vous donner des récompenses parce que vous ne l'avez pas fait? Il ne va pas vous donner de récompenses. Pourquoi? Parce qu'il ne vous est même pas passé par l'esprit. Non. Et le troisième cas, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un souhaite de faire un péché, ensuite il se désiste et il ne le fait pas, il se rétracte. Pourquoi? Pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-là que Allah ta'ala va dire et commander aux anges d'écrire quoi? D'écrire une hasana, d'écrire une bonne action. Donc, le troisième cas, c'est quoi? C'est quand quelqu'un souhaite un péché, de faire un péché, ensuite il ne le fait pas par crainte d'Allah Azza wa Jal, ou bien parce qu'il veut son paradis, ou bien parce qu'il ne veut pas qu'il soit châtié, ou bien parce qu'il ne veut pas aller en enfer. Et comme ça, le muhim, à cause d'Allah Azza wa Jal, il ne le fait pas. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne une récompense. Quelle est la preuve? La preuve, c'est le hadith où le messager d'Allah a dit que les anges ont dit, Ya Rab, dhaka abduk yuridu an ya'mala bi sayyi'atin. Les anges ont dit, ô Seigneur, cet homme-là, ton serviteur, voudrait faire un péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait, c'est mieux que les anges. Il a dit, wa huwa absar, absar bi, c'est-à-dire Allah ta'ala, c'est mieux que les anges, que quoi? Que cette personne veut faire un péché. Alors Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va leur répondre quand on va lui dire cet homme-là veut faire un péché? Il leur dit, urqubuh, surveillez-le. Fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha. Surveillez-le, s'il fait ce péché, écrivez-lui un péché, un seul. Naam. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanatan. Et s'il délaisse ce péché, s'il se rétracte après avoir souhaité, il se rétracte, il ne fait pas de péché, alors écrivez-lui hasana, écrivez-lui une récompense. Nam indamaha innama tarakaha min jarrai. C'est ça l'essentiel. Il a dit, vous savez pourquoi vous lui écrivez une récompense? Parce que il a délaissé ce péché min jarrai à cause de moi, pour mon visage, parce qu'il a eu peur de moi, parce qu'il veut mon paradis, parce qu'il a peur de mon enfer. C'est pourquoi cette chose-là, le fait d'avoir peur d'Allah, le fait de vouloir son paradis, le fait de ceci, le fait de cela, tout ça c'est quoi? Ce sont des bonnes actions. Donc c'est pour ça que Allah Ta'ala va te donner une récompense complète. Ce hadith, vous allez le trouver dans Sahih al-Jami' numéro 2097. Et pour terminer, Inch'Allah Ta'ala, pour terminer, je voudrais ajouter une chose, c'est quoi? C'est que quand une personne souhaite, ou là mieux que ça, quand une personne fait un péché, il y a un hadith Hassan qui est bon, où le messager d'Allah a dit que Inna sahib shimal, il a dit que l'ange qui se trouve à notre gauche, la yarfa'ul qalam, a la plume levée, 6 sa'at, 6 heures, pendant 6 heures, anil abdil muslim murti, quant à la personne qui vient de faire un péché. Fa in nadima wa istaghfara Allah minha, alqaha, wa illa katabaha wahida. Hadith Hassan, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut voir Sahih al-Jami' 2097. Quant au hadith avant celui-là, c'est Sahih al-Jami' 4356. Et le mohim, dans ce hadith, le messager d'Allah a dit que quand quelqu'un fait une faute, un péché, l'ange ne l'écrit pas directement, mais il reste avec la plume levée comme ça pendant 6 heures. Il a dit, si la personne regrette et a des remords et demande à Allah Ta'ala de lui pardonner, il a dit, alors l'ange ne va pas écrire cette chose. Sinon, il a dit, si les 6 heures passent et la personne n'a pas regretté, etc., n'a pas eu de remords, n'a pas demandé pardon à Allah Ta'ala, il a dit, alors ça va être écrit un seul péché. Ça va être écrit un seul péché. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a dit wa akhidun kitabahu bi shimalihi wa min wara'i dhahrihi. Il a dit, et il y aura des gens qui prendront ce livre avec la gauche, avec la droite, et il y aura d'autres qui prendront ce livre avec la gauche, ou bien, il a dit, minwara et dahre, ou bien derrière le dos. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera nos livres, nos registres pour lire, et il donnera à certains le livre, et il te le donnera. Et t'ordonnera de le prendre par la main droite, et il donnera à d'autres le livre par la main gauche, ou bien le dos. Ils le prendront par la main gauche ou bien le dos. Quant à ceux qui vont le prendre par la main droite, c'est clair, Inch'Allah Ta'ala. Ce sont ceux qui vont aller au paradis. Sahab al-Yamin, ceux de la droite. Et il y a ceux de la gauche, A'udhu Billah. C'est pour ça. On demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il fasse de nous qu'on soit de ceux qui prendront leur livre de la main droite. Non. Ici reste un petit problème. Pourquoi ici, il a dit, les autres le prendront par la main gauche ou bien derrière le dos? Est-ce que il y aura donc trois sortes de gens? Ceux qui vont prendre le livre par la main droite, et ceux qui vont le prendre par la main gauche, et ceux qui vont le prendre derrière le dos? Ou bien il y a seulement deux sortes de gens, ceux qui vont le prendre par la main droite et ceux qui vont le prendre par la main gauche ou bien le dos? Et c'est ça le plus juste, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou. Il a dit qu'il n'y a que deux sortes. Il y aura ceux qui prendront le livre par la main droite et ceux qui prendront le livre par la main gauche. Mais ceux qui le prendront par la main gauche ou bien avec la main gauche, Allah Azza wa Jalla fera de sorte que leurs mains soient détachées, comme ça, pour qu'ils puissent y aller prendre le main par la main gauche. D'autres ont dit que il rentrera sa main de par son ventre et la fera sortir de l'autre côté pour qu'il prenne son livre de la main gauche. Ensuite, pourquoi? Pourquoi il lui fait ainsi? Quant à, il le prendra par la main gauche. Ça, c'est clair. Il y a les gens de la droite et il y a les gens de la gauche. Non. Mais quant à, il le prendra derrière son dos, c'est-à-dire même la main gauche avec laquelle il va prendre le livre, il ne l'attend pas comme ça. Il ne l'attend pas comme ça vers en face de lui. Mais il doit la faire rentrer par son ventre pour la faire ressortir de l'autre côté pour prendre derrière son dos. Pourquoi il prend derrière son dos? Parce que dans cette dunya, dans ce bas monde, naam, qu'est-ce qu'il a fait? Walla zaharahu iyyahu fi dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne avait donné son dos au livre d'Allah Azza wa Jal et à quoi aussi? C'est-à-dire à l'islam, bien sûr. Donc, Allah Azza wa Jal va le punir, comme on dit en arabe, jaza'u min jinsi l'amal. Comme il a lui détourné, naam, il s'est détourné du livre d'Allah Azza wa Jal, du Coran, et lui a donné son dos, ça ne l'intéressait pas, il ne voulait pas le lire, il ne voulait pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, il ne voulait pas appliquer, naam, alors Allah Ta'ala va le punir et le châtier, de façon à ce que aussi il prendra son livre aussi lui aussi de derrière son dos. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus juste et le plus équitable. Voilà inshallah ta'ala pour le cours d'aujourd'hui bi'idhnillahi azza wa jal. Je vous rencontre inshallah ta'ala dans 5 ou 10 minutes pour les questions réponses. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب. Donc en cette soirée du samedi 6 Muharram 1430 نعم بإذن عز وجل de l'Hijr, ce qui correspond avec le 3 janvier 2009, بإذن عز وجل. Nous allons passer aux questions-réponses. Et comme vous devez le savoir, Inch'Allah Ta'ala, que les questions doivent avoir relation avec quoi? Ou bien avec le cours, ou bien Aqidah en général. Ou bien le cours, ou bien Aqidah en général. Avant cela, je rappelle mes frères et mes sœurs, mes enfants, بإذن عز وجل, que Inch'Allah Ta'ala, mardi, ce sera le 9e de Ashura. Et mercredi, le 10. Mais si je me trompe, reprenez-moi. Car nous sommes le 6, samedi 6. 7, 8, 9. Dimanche, lundi, mardi. Donc mardi 9 et mercredi 10. Pour ceux qui veulent jeûner, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le 9-10. Le Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, même si on fait 9-10-11, il a dit que c'est peut-être plus complet. Al-Muhim, pour ceux qui peuvent 9-10, ceux qui ne peuvent pas 10-11, et naam, celui qui veut 9-10-11, il est libre. Al-Muhim, restent les personnes qui ont des empêchements, comme les femmes qui sont malades, etc. Si elle met dans l'intention que si elle était par exemple pure, elle aurait jeûné, Allah Ta'ala lui écrirait donc ce jeûne, car sa grâce est immense et vraiment grande. Naam. Et si maintenant une femme a des dettes qu'elle n'a pas payées, naam, est-ce qu'elle peut jeûner le 9-10 par exemple, ou bien elle doit commencer par les dettes? Avant cela, je dois dire que pour celui qui peut jeûner le 10, que ça a comme récompense que ça annule une année, masha'Allah, de péché, subhanallah l'adhim. Une année complète de péché est annulée pour celui qui peut jeûner le 10. Et là aussi, je rappelle une chose importante, c'est que beaucoup de personnes croient que, puisque c'est le 10, naam, ils croient, et ça s'appelle l'ashura en arabe, ils croient que c'est le jour où on doit donner la zakat. Ils disent l'ashur, comme ça l'ashur, ils croient que c'est la zakat. C'est pour ça que beaucoup de gens donnent la zakat ce jour-là. Or cette chose n'est pas vrai. La Ashura n'a rien à voir avec la zakat. La zakat al-mal, c'est d'après yani, le mois où tu as commencé à avoir ton argent, c'est-à-dire il a atteint le nisab, et ensuite on compte une année. Ça peut être pendant le Ramadan, ça peut être Muharram, ça peut être Dhul-Hijjah, ça peut être Dhul-Qa'dah, ça peut être. Ça dépend de ton argent, quand est-ce qu'il a atteint le nisab. Naam. C'est pour ça, alhamdoulilah, que c'est très diversifié. Naam. Tous les mois sont. Naam, il est possible de donner la zakat dans chaque mois de l'année, des 12 mois, à condition que, comme j'ai dit, ça atteint le nisab et ça a atteint une année. Car si c'était seulement dans un mois, par exemple, comme certains gens croient que c'est seulement l'Ashura, donc pendant les autres mois, tous les pauvres seraient privés d'argent. On ne leur donne pas, on donne seulement une fois par année. Ah, un seul mois par année. Je réponds donc, quant à la femme qui a des dettes, on va dire qu'on m'a dit, on me dit que c'est lundi. Hein? Non. On me dit que c'est lundi. Le 9, c'est lundi. Pourquoi c'est lundi si aujourd'hui on est le 6? Non. Si aujourd'hui on est le 6, pourquoi ça sera lundi? Si aujourd'hui on est le 6. Quoi? On est le 6. Non. Samedi 6, dimanche 7, non, mardi 8, dimanche 7, lundi 8, mardi 9. On me dit qu'on est le 7, pas le 6. Ah là, c'est autre chose. L'imam nous a dit que c'était mardi le 10. Non. Donc, donnez-moi une seconde pour voir dans un site. Quel jour nous sommes? Donnez-moi une seconde, inshallah ta'ala. Je vais voir dans le site, dans un site, pour vous dire quelle date nous sommes aujourd'hui. Donc, moi, je viens de vérifier ici, chez nous en Algérie, nous sommes le 6. Je viens aussi de rentrer dans le site de Cheikh Mohamed Firkous Hafidhahoullah. Je trouve que c'est le 6, nous sommes samedi, le 6. Nous sommes samedi, le 6. Donc, d'ici là, d'ici les 2 ou 3 jours, vous allez voir et chacun va jeûner d'après année son calendrier. Nam, son calendrier. Voyez. Nam, je viens de voir dans le site de Firkous, www.firkous.com. Voyez. Donc maintenant, si une femme a les dettes, on va voir, comme a dit Cheikh Ibn Othaymeen Rahmo, on va voir quoi? On va voir est-ce que ce sont les dettes du Ramadan et qu'elle veut par exemple qu'elle veut jeûner Shawwal. Si elle veut jeûner Shawwal, les 6 jours de Shawwal, et elle a des dettes de Ramadan, elle ne peut pas. Pourquoi? Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque jeûne le Ramadan, ensuite le fait suivre de 6 jours de Shawwal. Or celle-là, puisqu'elle a des dettes de Ramadan, donc elle n'a pas jeûné le Ramadan. Donc elle commence par le Ramadan, ensuite elle jeûne les 6 jours de Shawwal. À part les 6 jours de Shawwal, quand c'est d'autres dettes, comme par exemple, quand c'est d'autres jours qu'elle veut jeûner, comme par exemple Arafat, comme Ashura, comme tout cela, elle peut les jeûner et elle choisit. Ou bien elle jeûne seulement par exemple Ashura, seulement le 9e et 10e, avec l'idée que c'est Ashura, et ensuite elle rattrape ses dettes. Ou bien elle jeûne la Ashura ou bien le 9e et le 11e, elle les jeûne avec le groupement, elle regroupe les niyas. Elle dit, c'est mes dettes et en même temps, c'est Ashura. C'est mes dettes de Ramadan et en même temps, c'est Arafat. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans ce cas, elle aura les 2 récompenses, bi'idhnillah azzawajal. Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Umayya, hayakallah tafadlali. Muslim, aide-moi à donner le rouge et enlever le rouge. Pour celle-là, je lui ai enlevé le rouge. Tafadali. Alaykoum wa rahmat. Il y a du son, Inch'Allah. Alhamdulillah. Oumamiya, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Posez votre question, Inch'Allah. Et tapez 1 lorsque la question est terminée. Salam alaykoum, cher. Qu'Allah vous récompense pour les cours que vous nous donnez. Amin. J'aimerais savoir, lorsqu'une personne commet un péché, comme l'adultère, le vol, etc., et qu'on applique sur lui la charia, entre parenthèses, lapidation, couper la main, etc., est-ce que cette personne devra rendre compte du péché auprès d'Allah après sa mort, ou le péché est effacé du fait qu'il a été jugé sur terre? Tfadashir. Nam, je suis là. Nam, je suis là, bi'idna ta'ala, vous m'entendez. Sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve aussi dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih al-Jama, où le messager d'Allah a dit, je ne sais pas est-ce que les houdoud, yani les jugements d'Allah, de la charia, qu'on applique sur les personnes, il a dit, je ne sais donc, pas les kafarat, s'il expie ou pas. Il a dit comme ça. Mais la plupart des savants ont dit que ça a expié. Et je crois qu'ils sont basés sur un autre hadith, car le messager d'Allah, avant, en fait, dans un autre hadith, où il a dit, je ne sais pas si Touba, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, Qawmu Touba, il a dit, je ne sais pas Touba, si c'est un messager ou pas. Ensuite, il a dit, je ne sais pas le kafarat, si elles expient ou pas. Dans un autre hadith, il est revenu à l'essentiel, mais il a dit, Touba, c'est un nabi, c'est-à-dire que Jibril lui a appris que Touba est un nabi. Donc, sûrement, ils sont basés sur un hadith où il est dit que Touba est un nabi et que peut-être les kafarat étaient aussi, yani, des expiations. Mais ce que je sais, c'est que toute personne qui fait un grand péché comme l'adultère, etc., elle n'est pas obligée d'aller chez le gouvernant pour qu'il applique sur elle la charia. Mais elle fait la tawba entre elle et Allah Ta'ala, comme a dit le messager d'Allah dans le hadith authentique que j'ai cité plusieurs fois. Il a dit, yani, si quelqu'un fait une chose pareille, une chose mauvaise pareille, c'est pas la peine qu'il vienne nous le dire, mais qu'il fasse la tawba entre lui et Allah. Il a dit, mais si jamais il nous le dit ou bien yani, on l'apprend, on doit appliquer sur lui la charia. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mouahidin tafadhali. Salam alaikum. Bismillah. Cheikh min fadlik, expliquez-nous par rapport au hadith 7 seront sous l'ombre d'Allah. Peut-on dire qu'Allah a une ombre? Jazakallah khair. Tafadhal Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Je crois qu'il y avait une question avant cela, Allah Ta'ala alam. Non, attendez. Non, il n'y avait pas. Naam, en ce qui concerne l'ombre d'Allah Azzawajal, ou bien, on va dire, comme a dit Sheikh Al-Albani, il a dit, c'est l'ombre du trône. L'ombre d'Allah ici veut dire l'ombre du trône, car il y a un autre hadith qui dit qu'ils seront sous l'ombre du trône. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani s'est basé sur ce hadith pour dire cette chose. Ou bien on va dire, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, quand Allah Ta'ala on dit qu'il va les mettre sous son ombre, l'ombre ici, il a dit l'ombre ici c'est quoi? Yani, ça ne veut pas dire l'ombre à lui. Non, ça veut dire l'ombre, yani, qu'il a créé. Et il l'a ajouté à lui parce que c'est lui le créateur. Comme on dit, sans soleil. Ça veut pas dire qu'Allah Ta'ala a un soleil. Mais il a créé un soleil. On ne peut pas dire, on dit sa mer, ses arbres, son vent, ses cieux, son ombre. Ça veut dire l'ombre qu'il a créé. L'ombre qu'il a créé, car Allah Ta'ala n'a pas d'ombre comme nous on a une ombre. Sinon, ça va supposer que le soleil serait plus haut que Allah. Car pour avoir de l'ombre, il faut que le soleil soit plus haut que nous. Or, Allah Ta'ala, c'est lui, l'A'la. Subhan Rabbi l'A'la, l'A'la, le plus élevé. Le soleil est au-dessus, au-dessous d'Allah Azzawajal, et pas au-dessus de lui. Voilà la réponse, Incha'Allah Ta'ala. Naam. Tfadda le prochain. Naufel. Posez votre question, Incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur en état de menstru a-t-elle le droit d'enseigner le Coran à des enfants à la mosquée? Quels sont les avis à ce sujet? Jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas si vous remarquez, musulmans et ceux qui lisent la question, qu'aujourd'hui c'est un cours de aqida, c'est un cours de aqida, et qu'on avait dit que on ne passerait que les questions qui ont rapport avec la aqida, ça, et que les autres questions c'est quoi? C'est chaque mercredi bi'idna azzawajal. Mais ça ne fait rien puisque la question a été posée, on ne va pas s'arrêter ici. Naam, la femme qui a les menstrues, elle peut enseigner aux gens le Coran, naam, à condition que ça soit son livre. Mais maintenant, si elle est obligée d'ouvrir le livre car elle n'apprend pas le Coran, dans ce cas, elle doit mettre des gants. Dans ce cas, ou bien c'est une autre personne qui lui ouvre selon le livre et le lui met devant elle, et à chaque fois qu'elle veut tourner la page, elle appelle la personne pour lui tourner la page, ou bien elle-même, elle met des gants, comme a dit Cheikh Ibn Baz, et elle tourne les pages. Wallahu ta'ala alam. On passe maintenant, inshallah ta'ala, à l'inspeak. Inch'Allah, cher, c'est sur Paltalk. Là, on était sur InSpeak. Donc là, ça a Firouz Dirimi. Par contre, à la fois, cher, pour la question que je viens de lire, on rappelle, Inch'Allah, pour les frères et sœurs, si la question maintenant est donc hors sujet, c'est-à-dire ni Aqida, ni le cours de ce soir, Inch'Allah, elle ne sera pas lue de façon systématique. Barakallahu fikoum pour votre compréhension. Donc, je lis la question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense par la meilleure des récompenses. Amin. Cher, je vous explique une situation. Donc, Inch'Allah, Firouz Delimi. Donc, je viens juste faire le rappel. Mais cette question, elle est plutôt réservée pour le mercredi, Inch'Allah. Ah, Afwan. Continuez, Inch'Allah. Firouz Delimi. La suite, Inch'Allah. Ah non, vous avez pas la règle. Parce que vous pouvez écrire. Alors, posez-moi le reste de la question en PV, Inch'Allah. Je lis le début et vous m'envoyez le reste en PV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense par la meilleure des récompenses, Amin. Cher, je vous explique une situation de la part d'une sœur. Elle vous dit... Qu'Allah me pardonne pour ces interrogations, car je ne sais pas si on peut se poser ce genre de questions. Voilà, une sœur convertie habite dans un immeuble et porte le niqab. Les voisins l'ont connue sans, et maintenant depuis quelques années avec. Alhamdulillah. Ils se sont concertés pour faire un courrier contre elle qui a été au syndicat, au cas où il y a un problème pour pouvoir lui porter des accusations. Sachant qu'Allah a écrit... Cela 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Alors que c'est une de ses serviteurs et qu'il avait à l'avance, subhanahu wa ta'ala, ce que ses voisins allaient faire contre elle. Pourquoi avoir voulu cela pour elle? Car à la base, rien n'arrive sans qu'Allah ne le veuille. Et écrit il y a 50 000 ans. Sachant aussi qu'Allah veut que du bien à son serviteur et qu'on ne sait pas où il se trouve, éclaircissez-moi cela, cher. Je souhaite savoir comment comprendre cela tout en écrivant et rien qu'avoir pensé à cette chose que je me demande, je sens que c'est une question qui n'est pas à se poser. Allahu a'lam. Allah yajazik ya cher. Barakallahu fik. Je voudrais comprendre comment Allah a voulu cela pour elle comme pour d'autres alors qu'elle ne leur fait aucun mal et ne s'y attendait pas. Surtout que ce sont des koufars qui se mobilisent pour une de ses adoratrices. Fadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Elle fait saut, vous m'entendez? Taïb, sur le partok, vous m'entendez? Partok. Alhamdoulilah. Donc, je n'ai pas très bien compris la chose, mais je dis en général que j'ai compris que cette femme ou cette sœur avec le niqab, etc., a eu des problèmes. Et qu'elle dit que, yani, Allah Ta'ala, il y a 50 000 ans, yani, avait su que, ça allait, que ce problème allait arriver, etc. En quelque sorte, comment se fait-il que Et laisser cette chose arriver, etc., alors qu'il savait la chose, surtout que c'est une musulmane, mashallah, et que l'autre partie, ce sont des kofars, etc. Est-ce que c'est ça la question? Dites-moi numéro 1 si c'est ça la question à peu près. Écrivez-moi numéro 1 pour dire que c'est à peu près ça la question. Alhamdoulilah. La réponse est très simple. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala dit dans le Coran: est-ce que les gens pensent, Naam, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons, nous sommes des croyants, sans les éprouver? Certes, Allah Ta'ala dit, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Allah Ta'ala dit dans un autre verset: et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Pourquoi? Est-ce que vous allez endurer avec constance? Et ton Seigneur demeure quoi? Clairvoyant. Donc, je dis à cette personne que Allah Ta'ala, il n'y a pas une personne qui dise je suis musulman ou là, qui rentre en islam sans qu'elle soit éprouvée. Des fois, elle est éprouvée par son père, des fois par son mari, des fois par ses enfants, des fois par son voisin, des fois par son maître à l'école, des fois par le policier, des fois par le voleur, des fois par celui qui starfait la viole, et comme ça. Il n'y a pas une personne qui dise je suis musulman sans qu'Allah Ta'ala ne l'éprouve. Pourquoi? Allah Ta'ala sait, mais c'est pour montrer à la personne elle-même est-ce que c'est une personne qui est véridique ou est-ce une menteuse. Dès qu'il y a une petite épreuve, elle a jeté le niqab, elle a jeté le djilbab et elle est allée danser. Elle a dit non, moi j'aime pas l'islam, c'est difficile. Il y a des épreuves, il y a des problèmes. J'étais bien, mashallah, avant l'islam. Naam. On n'est pas mieux que les messagers. Les messagers et les prophètes, il n'y a pas une personne, naam, qui est plus aimée chez Allah que les messagers. Or, les messagers, que s'est-il passé à Moussa, alayhi salam? Combien d'épreuves a-t-il eu? Que s'est-il passé à Zakaria? Le messager Zakaria a été, subhanallah, comment on dit, scié en deux avec une scie. Que s'est-il passé à Yahya? Yahya, alayhi salam, le messager d'Allah, il a été égorgé. Que s'est-il passé à notre messager d'Allah? Insulté, frappé, on lui a coulé le sang, on lui a dit de lui un charlatan, un sahir, un sorcier, un possédé par les djinns. Est-ce que nous, on est mieux que le messager d'Allah? Est-ce que Allah ne savait pas qu'on allait dire ça de lui? Et il a laissé faire? Est-ce que Allah Ta'ala ne sait pas, il y a 50 000 ans, ce que les juifs allaient faire cette semaine à Gaza? Combien de bébés morts, combien de femmes mortes, combien de gens blessés, des milliers? Allah Ta'ala ne savait pas. Pourquoi il laisse faire? Parce qu'il est incapable. Si on dit ça, on devient kuffar. On devient kuffar. Mais on dit que Naam, c'est une épreuve. Une épreuve. Et on dit aussi autre chose. Il n'y a pas une chose qui nous arrive sans que ça soit du bien pour nous. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Il n'y a pas une chose qui t'arrive sans que ça soit un bien pour toi. Naam. Déjà le fait que tu souffres et que tu endures, Allah Ta'ala t'écrit des récompenses. Ce n'est pas un bien pour toi. Si les voisins ne t'avaient pas cette chose, tu n'aurais pas eu le grand bien et les hasanats qui sont en train d'être écrites maintenant parce que tu es en train de souffrir, parce que tu es en train de pleurer, parce que tu es en train d'avoir un gros cœur, tu es en train d'être chagriné. Et voilà, subhanallah al-azim, les hasanats qui s'écrivent des centaines, des milliers. D'où tu as eu ça si ce n'était pas la grâce d'Allah Azzawajal. Donc, détrompez-vous, naam, il n'y a pas une personne qui est sincère avec Allah Ta'ala sans que quoi? Sans qu'elle soit testée et prouvée. Et chacun de nous est testé d'une façon différente. Celui-là par sa mère, l'autre par son père, l'autre par ses enfants, l'autre par son frère, l'autre par son voisin, l'autre par le policier. Et comme ça. L'autre par le voyou et l'autre par le chauffeur du bus. Et comme ça, chacun est éprouvé. Et Allah Ta'ala veut te montrer que voilà, il s'est passé des choses, tu as souffert, le sang a coulé, tu as été emprisonné et tu es là toujours inébranlable, inébranlable, mashallah alayk. Et l'autre miskin, l'autre, juste on lui a donné une petite gifle, où là il a entendu, on a dit un seul mot sur lui qui n'est pas bien, et il a tourné les talons, et il a tout délaissé, et il est parti vers l'autre côté, en attendant qu'il meure pour qu'il rentre à Jahannam, wal'iyadu billah. Donc, sois rassuré ma soeur, tout était écrit, Allah ne te veut que du bien. Tout ça rentre dans les hasanat, ça rentre dans les épreuves, ça rentre dans la sunna d'Allah Azzawajal dans sa vie. Et patiente, bi'idhnah Azzawajal, tu seras victorieuse bientôt, bi'idhnah ta'ala. Atfadda le suivant. Oumou Esma, c'est à vous, Inch'Allah. Si on autorise à une personne, après les autres personnes, elles vont dire qu'on est injuste. C'est le mercredi, les questions d'ordre général. On fait exprès de le dire avant le dars, pendant le dars et juste avant les questions-réponses. Toutes les personnes disent la même chose au Mouesma. Toutes les personnes disent que c'est urgent. Combien on a de réclamations en PV? Posez ma question, c'est urgent. Posez ma question, c'est urgent. Naam, c'est urgent. On comprend que c'est urgent, mais respectez juste les petites règles. Le mercredi, ordre général, et le samedi, à Aqida. On vous demande pas grand chose. Abu Marwan, tfadal, Inch'Allah. Bismillah, assalamu alaikum. Vous m'entendez, Inch'Allah? Naam. Akhi, barakallahu fik pour la nasiha de la sœur. Que les questions, Inch'Allah, le samedi, c'est sur la Aqida, et le mercredi, sur le fiqh et autres. Mais Inch'Allah, comme cette question-là, elle a dit, ça met en jeu la salate d'une sœur. Donc c'est quand même une question, elle touche à la prière. Et comme il a dit le cheikh la dernière fois, la prière c'est quelque chose, on le fait 5 fois par jour, on le fait la nuit, on le fait... Bimana, c'est un acte d'adoration très important. Inch'Allah, Allahu A'lam, s'il faut même je laisse mon tour parce que c'est, ça touche à la prière. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, c'est un peu comme a dit le frère Marwan, naam, puisque ça a rapport avec la prière d'un côté, et de l'autre, ça a été écrit. Naam, quand quelqu'un écrit la question, naam, même si Muslim, alhamdoulilah, ne fait que ce que je lui dis, moi, Muslim, ce qu'il dit, il ne dit pas de sa tête. C'est moi qui lui dis de ne pas faire passer des questions qui n'ont pas rapport avec la Aqida. Mais, puisque la question a été déjà écrite, naam, donc, yani, on va la lire, inshallah ta'ala, mais je demande aux frères et aux sœurs qui, dans le cours d'aujourd'hui, et de tous les cours de la Aqida, si, naam, leur question n'a rien à voir avec la Aqida, de baisser la main, ou bien de changer de leur question. Naam, ils laissent la question qui n'a pas rapport avec la Aqida pour ou bien le mercredi, ou bien le téléphone mardi, entre 2h et 5h. Naam, Inch'Allah ta'ala. Tayyib, t'fadlan, Inch'Allah, lis la question à dit à Salat. Naam, c'est ce que j'allais dire, Cheikh. En plus, maintenant, il y a le téléphone. Donc, Inch'Allah, si vous estimez que votre question est vraiment importante, et qu'à chaque fois que vous levez la main et vous n'arrivez pas à poser la question, Inch'Allah, vous appelez le Cheikh mardi après-midi pour vous répondre à la question. Barakallahu fikoum de respecter ces petites règles. Donc je vais lire la question, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Donc j'essaie quand même. Une sœur a beaucoup ses menstrues depuis qu'elle a arrêté d'allaiter. Entre parenthèses, environ 4 mois. Un mois, elle les a eues 3 fois. Et là, elle les a depuis environ 15 jours. Elle demande comment doit-elle faire pour ses prières, etc. Tfadal, Cheikh. Lo samahat, Muslim, j'écrivais en PV. Lo samahat, relis la question, jazakallahu khair. Amin. Je relis la question, Inch'Allah. Salamu alaikum, Cheikh. Une sœur a beaucoup ses menstrues depuis qu'elle a arrêté d'allaiter. Entre parenthèses, environ 4 mois. Un mois, elle les a eues. Donc il y a un mois où elle a eu 3 fois ses menstrues. Et là, elle les a depuis environ 15 jours. Elle demande comment doit-elle faire pour ses prières, etc. Tfadal, Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour les menstrues, le fait qu'une femme les ait pendant 3 fois dans le mois, c'est possible, mais c'est très rare. Les savants ont dit c'est très rare. Ça s'est passé dans la vie des femmes, peut-être 3 ou 4 ou 5 cas dans le monde. Mais il est possible. Surtout que maintenant, tout le monde sait qu'il y a les pilules, etc., qui dérèglent beaucoup la femme. Donc, la règle, c'est quoi? La règle, c'est que tant qu'il y a le sang qui est connu par la femme. Naam. Donc il y a le sang qui est connu par la femme de par son odeur et de par sa couleur aussi et de par sa forme, ça devient des monstrues. Et elle fait pas la salate, et elle arrête jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, elle prend la douche et elle commence. Sauf quoi? Sauf si ça dépense, ça dépasse 15 jours. Ça dépasse 15 jours d'affilée. Ça, il n'y a pas ça en islam. Si ça dépasse 15 jours d'affilée, le 16e jour, elle doit prendre la douche, mettre des couches et faire la prière. Non, tant que ça dépasse pas 15 jours et qu'elle sait que ce sont des règles, elle les a reconnues avec la forte odeur et la couleur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête la salade. Mais si ça dépasse 15 jours, qu'est-ce qu'elle fait? Le 16e jour, non, ça ne fait rien de prendre pas la pilule. Non, ça ne fait rien. C'est quelque chose, comme a dit le frère, un dérèglement hormonal. Mais si ça dépasse 15 jours, le 16e jour, elle fait des couches et elle se lave une fois. Et ensuite, à chaque prière, elle doit se laver. À chaque prière, elle doit se laver. Ça devient istihada, ça devient métroragie. Et en même temps, elle peut grouper entre les deux prières, inshallah ta'ala. Faites face à la prochaine question. Donc là, on passe à InSpeak. Oum Abdelaziz. Assalamu alaikum. Quelle est la preuve que le verset « Ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants » ne s'applique pas seulement aux gouverneurs, mais aussi aux gouvernés? Sur quel tafsir vous basez-vous? Jazakallahu khayran. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, le dalil que le verset qui dit « Wa man lam yahkum bima anzalla fa ulaykumul kafirun » ne s'applique pas seulement aux gouverneurs, non, aux gouvernants, mais aussi aux gouvernés. C'est quoi? C'est le mot men. Men en arabe, c'est, on dit, sira min siyar l'umum. Non, la généralité en arabe, il y a huit siyar, huit à peu près, qui à chaque fois qu'on trouve un de ces mots, ça veut dire que c'est général. Quand je dis men, par exemple, من يعمل صالحا يجزى به. Quiconque, Allah Ta'ala dit quiconque fait une bonne action, il aura la récompense. Et s'il a dit quiconque ne juge pas avec l'islam, il est pervers, il est kafir, il est cela. Donc, si une personne dit non, ici, ce n'est pas général. C'est cette personne-là qui doit donner des dalils. Ce n'est pas celui qui dit que c'est général. Car celui qui dit que c'est général, c'est basé sur la règle générale. Quiconque ne juge pas avec l'islam, c'est quoi? C'est un mécréant. Ou là, c'est un pervers, c'est un fassin. Oui, mais le commun des musulmans ne juge pas entre les gens. Naam, ils ne jugent pas, ils ne sont pas kuffar. Car Allah Ta'ala n'a pas dit que seulement ils sont kuffar. Il a dit qu'ils sont pervers aussi. Il a dit qu'ils sont injustes. Pourquoi on va directement au verset qui dit qu'ils sont kuffar et on laisse les deux autres versets? Ou l'un, Allah Ta'ala dit ils sont pervers et l'autre dit ils sont injustes. Pourquoi on va directement à celui de kuffar? Ça c'est dans le cas où kuffar veut dire mécréant. Mais ici kuffar ne veut pas dire mécréant comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, l'interprète du Coran. Dis-moi Oum Abdelaziz, est-ce que les takfiriyoun connaissent le Coran? Est-ce que Salah 19 et Palestinian 8 connaissent le Coran mieux que Abdullah ibn Abbas? Hibr al-Umma et Habr al-Umma, les deux. Lequel, le messager d'Allah, l'a enlacé. Écoutez bien, l'a enlacé. Et a demandé à Allah de lui apprendre quoi? De lui apprendre l'interprétation du Coran. Allahumma, allimhu, quoi? Faqihu fi din, allimhu ta'wil. Allimhu ta'wil, ta'wil al-Qur'an, Allahu Akbar. Et il dit quoi? Il dit, dans le verset en l'expliquant, Abdullah ibn Abbas, il dit, ce n'est pas le kofre que vous croyez. Ce n'est pas le kofre que croient les gens. Mais c'est kofre, donakofre, c'est le petit kofre. Ce n'est pas le grand. Les takfiriyoun se croient plus savants qu'Abdullah ibn Abbas. C'est pour ça que j'ai parlé une fois avec un takfiri. Je lui dis, pourquoi tu ne prends pas avec ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas? Tu es plus savant que lui. Qu'a répondu le takfiri? Il a répondu, moi je prends du Coran et de la Sunna. Masha'Allah. Il prend du Coran et de la Sunna, Alors que quoi? Alors que ça veut dire que Abdullah ibn Abbas ne prend pas du Coran et de la Sunna. Allahu Akbar pour les takfiriyin. Allahu Akbar ala takfiriyin. Oui, mais je comprends pas comment le commun des musulmans puisse entrer dans ce verset étant donné que nous ne jugeons pas. Naam, naam. Tout celui qui ne juge pas avec l'islam, naam, on va voir pourquoi il ne juge pas avec l'islam. S'il dit je ne juge pas avec l'islam car je ne crois pas en ce jugement, il est devenu kafir. S'il dit je crois en ce jugement, mais je ne juge pas avec l'islam parce que je suis faible, parce que ceci, parce cela, il est pervers. Naam. C'est comme ça que disent les grands savants. Parce que les gens croient que juger avec l'islam, c'est seulement lapider les gens et appliquer la charia et leur couper quoi? Leur couper les mains. Ils ne savent pas que juger avec l'islam, c'est d'abord faire la salat. C'est ne pas mentir. C'est avoir donné la amana. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Mais beaucoup de gens croient quoi? Croient que juger avec l'islam, c'est seulement quoi? C'est seulement appliquer les houdouds. Comme on dit les houdouds, couper les mains, lapider, voilà l'islam. Naam. Mais apprendre la aqida, propager la aqida pour eux, ce n'est pas juger avec l'islam pour eux. Naam. Tuer quelqu'un qui tue quelqu'un qui fait la zina, tout ça ce n'est pas juger avec l'islam. Celui qui a fait la zina n'a pas jugé avec l'islam. Celui qui a tué des gens n'a pas jugé avec l'islam. Est-ce que, comment il s'appelle, on l'appelle celui qui a tué 124 000 min sahaba ou tabi'in, Hajjaj ibn Youssef, est-ce qu'il a jugé avec l'islam quand il a tué 124 000 des compagnons et des tabi'in? Est-ce que le Hajjaj ibn Youssef a jugé avec l'islam quand il a tué 124 000 personnes entre les sahaba et les tabi'in? Sûrement pas. Est-ce que quelqu'un a dit que le Hajjaj ibn Youssef est kafir? C'était un gouvernant. Al-Muhim, Allah yahdina, Allah yahdi al-takfiriyin. On passe, Allah ta'ala, aux prochaines questions. Tfadal. Eh, naam, j'avais oublié. Autre chose que j'allais dire et j'ai oublié, pour men, naam, pour men, quand j'ai dit tout à l'heure, men lam yahkum bima anzallah, fa'ulikum kafirun. Quiconque ne juge pas avec l'islam, c'est un kafir. La preuve que c'est général, quand quelqu'un, dans l'histoire du le Ansari, qui s'est disputé avec Zubayr, ou bien Ibn Zubayr, il s'est disputé avec lui, avec Zubayr. Et le messager d'Allah, à cause de l'eau, il a donné raison à Zubayr. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, il a dit, Naam, c'est ton cousin, c'est pour ça que tu lui as donné de l'eau. Allah Ta'ala a fait descendre dans le verset, Fala wa rabbika la yu'minun. Allah Ta'ala a juré par lui-même qu'ils ne sont pas des croyants. Jusqu'à quoi? Hatta yuhakimuk. Jusqu'à ce qu'ils jugent. Hatta yuhakimuk. Naam, ils doivent juger par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce qui a été descendu en lui. Donc c'est un délit que toute personne doit juger. Alors bika la yu'minun hatta yuhakimuk fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraj mimma qadayt wa yuslimu taslima. Naam. Il faut, Allah Ta'ala dit que cette personne n'est pas croyante jusqu'à ce qu'elle juge. Elle doit juger. Donc c'est une preuve que toute personne doit juger. Et cette personne, c'était quoi? Un fellah. C'était comment on dit fellah en arabe? Un jardinier, ou je ne sais pas comment on dit le fellah. Comment on dit le fellah? Dites-moi le fellah en arabe. Un paysan. C'était un paysan et ce n'était pas un gouvernant. Fadl le prochain, Inch'Allah. Salafia, Inch'Allah, c'est à vous. Le numéro du cheikh. Le numéro du cheikh, il est sur la bannière, Inch'Allah, sur son site. Vous cliquez directement dessus, vous avez son numéro avec la plage horaire dans laquelle on peut l'appeler, Inch'Allah. Ibn Ibrahim, posez la question, Inch'Allah. Salamu alaykum. Comment seront inscrits les péchés ou mauvaises intentions dont on s'est repenti? Notre place est-elle fonction de notre livre et ou de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tafadhal cheikh. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ou là j'avais oublié le micro fermé, je crois. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? On n'a rien entendu. Naam. Donc j'avais le micro fermé. Je dis que j'avais pas bien compris la question, mais qu'inchallah ta'ala je vais répondre d'après ce que j'ai compris. Je vais répondre d'après ce que j'ai compris. quand quelqu'un fait une faute ou a un péché, il a 6 heures devant lui après le péché pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala yani, a enjoint au malak, yani, à l'ange, de ne pas écrire le péché du tout. De ne pas l'écrire du tout. S'il dépasse maintenant les 6 heures, il sera écrit. Il sera écrit. Ensuite, après avoir été écrit, si on fait la tauba, on fait la tauba, on fait le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne que ce péché soit effacé par Allah azza wa jal. Car Allah azza wa jal, c'est lui qui commande le livre. Le livre qui est écrit à Allah, c'est lui qui le commande. Il laisse ce qu'il y a et il enlève de lui ce qu'il y a. Il laisse ce qu'il y a et il enlève de lui ce qu'il y a. À supposer que Allah Ta'ala ne demande pas qu'on enlève ce qu'il y a, supposez cela, le jour du jugement dernier, Allah Ta'ala ne te comptera que les péchés qui ont été inscrits et dont tu n'as pas fait le repentir. Ensuite, pour la deuxième question, quant à ce que notre position, c'est par rapport à ce qu'il y a dans le livre ou par rapport à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par rapport à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le messager d'Allah, que personne ne rentrera au paradis si ce n'est la miséricorde d'Allah ta'ala. On lui a dit même toi, il a dit même moi, sauf si Allah azza wa jalla m'enveloppe avec sa miséricorde. Tout ce qu'on fait, si on priait jour et nuit, si on jeûnait jour et nuit, si on donnait tous nos biens, ça n'équivaudrait pas, ça ne va pas équivaler à un seul bien qu'Allah Ta'ala nous a donné. C'est pour ça qu'on a tous besoin de sa miséricorde pour aller au paradis. Donc là, c'est Abu Marwan, car tout à l'heure, il levait la main et je lui avais demandé de prendre la parole. Donc quand c'était son tour, il a perdu la main. Donc Inch'Allah, c'est à toi, Abu Marwan. Tfadal. Salam alaykoum, Cheikh. Naam, vous m'entendez, Inch'Allah? Donc, juste avant de poser ma question, je voulais vous demander, est-ce qu'il est permis, de par exemple, de vous poser une question, et en fait, la niya, l'intention, c'est de comparer votre réponse avec la réponse d'un autre frère? Mais quand je dis comparer la réponse, c'est pas pour Bimana dire lui il a raison, lui il a tort. Si c'est permis, Inch'Allah, je vous pose la question. Donc la question est la suivante. Un frère a demandé, il a dit, comment ça se fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit que Habba Saouda guérit de toutes les maladies sauf de la mort. Et ensuite, ce jeune frère, il a demandé, il a dit, comment ça se fait que le Habba Saouda, il ne guérit pas le rhume, la grippe, la diarrhée, le sida, le cancer, la tuberculose, le mal de tête, le mal des amygdales. Il a sorti plein de maladies, il a dit, comment ça se fait que moi, j'ai eu ça, j'ai pris Habba Saouda, je n'étais pas guéri. Après, il a demandé à ce frère, il lui a dit, dis-moi une maladie que Habba Saouda, il guérit à notre époque. Et donc, c'est cette question moi, que je vous pose, Inch'Allah, pour comparer votre réponse avec l'autre réponse du frère. Barakallahu fikoum. Salam alaykoum, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous êtes avec moi? Naam. En fait, il y a deux réponses, Inch'Allah ta'ala. Il y a deux réponses, bi'idna azza wa jal. La première réponse, c'est de dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voulait dire par là que elle guérissait toutes les maladies qui sont sous-entendus, qui sont guérissables par elle. Regardez lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit par exemple en parlant de Belqis, la femme, la gouvernante, la reine, il a dit wa utiyat min kulli shay, wa utiyat min kulli shay. Elle a dit que elle avait eu tout, wa utiyat min kulli shay, wa la arshun azim. Est-ce que pourtant, Allah Ta'ala elle a dit qu'elle avait tout. Et c'était dans le Coran, même si c'est l'oiseau qui a dit. Est-ce qu'elle avait tout? Elle avait des fusées, elle avait des voitures, elle avait des cieux, elle avait la terre, elle avait des étoiles. Non, elle avait tout, du genre que les reines et les rois ont. Elle avait tout ce qu'une reine doit avoir ou ne peut avoir. C'est la première réponse. Naam. La deuxième réponse est de dire que le messager d'Allah en disant ceci veut dire que toute personne, si vraiment elle est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'elle a pris l'habba sauda pour se soigner de sa maladie, elle l'a pris avec une grande sincérité, Naam, n'ayant aucun doute sur ce qu'a dit le messager d'Allah, eh bien qu'elle guérira bi'idna azza wa jal. Comme il a dit exactement sallallahu alayhi wa sallam à la personne quand on lui a dit que j'ai mal au ventre, mon frère a mal au ventre, et il lui a dit, dis-lui de boire quoi? Dis-lui de boire le miel. Il a bu, il est revenu, il a dit, il n'y a rien. Il lui dit, dis-lui de boire le miel. Troisième fois, il a dit, il a bu, il n'y a rien. Il lui a dit, sadaqallahu wa kadaba batnu akhik. Allah Ta'ala a dit vrai, car dans le Coran, il a dit que le miel guérissait, et c'est le ventre de ton frère qui a menti. Car si son frère avait bu avec la niya que Allah Ta'ala a dit et que ça guérissait, il aurait quoi? Il aurait, Inch'Allah Ta'ala, été guéri. Il aurait, Inch'Allah Ta'ala, été guéri. C'est un peu comme, regardez par exemple, je donne le contraire de cela, mais ça a peut-être une relation. Regardez, prendre un poison, c'est ça tue ou ça tue pas? D'un côté ça tue, et de l'autre c'est interdit. C'est interdit, pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a dit, la tertoulou anfusakum. Ta'ala nous a interdit de nous tuer. Naam? Est-ce que c'est permis de prendre un poison? Ce n'est pas interdit. Et pour, est-ce que c'est permis? Ce n'est pas permis. Et pourtant, Khalid ibn al-Walid, le grand guerrier, radiallahu ta'ala, que tout le monde connaît, même les enfants connaissent, pour sa bravoure et son courage, quand une fois, naam, il est tombé comme ça face à face avec le chef des guerriers des kuffars, et le kafir lui a dit, puisque vous dites que vraiment l'islam est vrai, etc., naam, et qu'il y a Allah, et qu'il y a le paradis qui est associé à cela, et que tu es sur le vrai chemin, alors tiens le poison et bois-le. Bois-le et ne meurs pas. Et Khalid ibn al-Walid, le hadith est authentique, il l'a bu. Il a bu le poison devant tout le monde qui le voyait, et il n'est pas mort, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam, pourquoi? C'est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Naam, c'est interdit nous pour qu'on le fasse. C'est pas quelqu'un va dire, j'ai entendu dans le cours que si on est sincère, on va boire le poison, on va pas mourir. Non, on va mourir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, la conviction de Khalid ibn al-Walid. Naam, on n'a pas la conviction et la foi de Khalid ibn al-Walid. Si quelqu'un a la conviction de Khalid ibn al-Walid et il veut prouver au kuffar qu'il peut boire le poison et ne pas mourir, qu'il le fasse. Mais nous, on n'a pas, comme j'ai dit, cette conviction. Wallahu ta'ala alam. Atfadla le prochain. Le frère Boubarouane demande si vous avez eu des informations par rapport à l'enterrement chez les Koufars. Et donc là, on passe à InSpeak. Par contre, Oum Abdelaziz, si vous pouviez baisser la main, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Donc là, on est à Mouna 82. Mouna 82, est-ce que vous êtes là? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il vrai que le jour du jugement dernier, 70 000 personnes enterreront au paradis, entreront au paradis sans être jugées? Barakallahu fikoum. Tfadal Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai dit à Abu Marwan la fois passée, ou là ça fait deux cours là, qu'il était interdit, d'enterrer quelqu'un dans un cimetière de Koufar. Parce que je vois qu'en France, il n'y a pas de cimetière musulman. Il y a un cimetière, un côté musulman qui se trouve dans le cimetière des Koufar. Et en plus, pourquoi c'est interdit? Parce que quand on meurt là-bas, on va nous brûler. On va nous incinérer après 10 années. A'oudou billah. Non, mais les savants ont dit, comme il est interdit de vivre vivant auprès de Koufar, des kuffars, il est aussi interdit de rester chez eux après être mort. C'est pour ça que on doit faire tous nos efforts pour que si quelqu'un meurt là-bas, yani pour que il laisse le testament pour que on l'enterre dans un pays musulman. Naam. Et pour la réponse de maintenant, les 70 000, naam, il y a 70 000 personnes qui vont quoi? Qui vont rentrer au paradis demain sans jugement, sans être jugés. Subhanallah, Masha'Allah, la quwata billah. Et dans un autre hadith, il y a un hadith qui dit que avec chaque personne des 70 000, hein, c'est bon, avec chaque personne des 70 000, il y aura 70 000 autres. Ce qui va faire que ceux qui vont rentrer au paradis sans jugement seront 4 970 000. 4 milliards 970 millions, hein, vont rentrer au paradis, Inch'Allah ta'ala, sans quoi? Sans jugement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse deux. Naam. Car il faut multiplier 70 000 par 70 000 et on ajoute 70 000. Naam. Tafadhal inshallah ta'ala le prochain. Yasmine, 59 ça vous inshallah. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Hayakallah wa bayak. Quand on se repentit sincèrement de notre passé, va-t-on avoir une punition après la mort? Cela suffit ou dois-je demander le pardon tous les jours après le repentir? Allah jazik bikhir, barakallahu fikoum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on se repentit, l'âme, si on se repentit déjà une seule fois, mais sincèrement, khlas, yani, on ne va pas être puni après la mort, ni demain quand on va rencontrer Allah Azza wa Jalla. Mieux, certaines personnes, Allah Ta'ala va remplacer et va changer leur quoi? Leur faute et leur péché en hasanat, en récompense. Naam. Ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Comme il a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُخْلَدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا أُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. الله تعالى dit, sauf ceux qui font le repentir, qui reviennent vers Allah et qui sont sincères, ceux-là Allah تعالى va leur changer leurs mauvaises actions en bonne action. Donc, ça suffit de faire le repentir une fois, naam, et sincèrement. Mais si une personne veut chaque jour implorer Allah Ta'ala pour lui pardonner, ça bien sûr c'est mieux. Ça veut dire que la personne a tellement peur d'Allah Azza wa Jal qu'elle ne s'est pas suffi au premier repentir, mais que à chaque fois, elle a peur et elle demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de lui pardonner. C'est encore mieux, mieux et mieux. Naam, tfadl le prochain, Inch'Allah. Shams, c'est à vous, Inch'Allah. Shams, salam alaikum. Ma question concerne la niya. Si une personne jure par Allah de ne plus faire une chose sous le coup de la colère et qu'elle revient sur ses dires une fois calmée, doit-elle jeûner 3 jours? Barakallahu fikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une personne jure sur le fait de la colère, naam, et elle a dit de ne pas faire une chose. Ensuite, elle revient sur ses dires une fois calmée. Doit-elle jeûner 3 fois? Naam, si c'est une chose qui n'est pas haram, une chose qui n'est pas haram, par exemple, elle a juré sur le coup de la colère de ne pas aller, par exemple, à Paris. Par exemple, de ne pas aller à Paris, elle n'est pas à Paris. Ensuite, quand elle s'est calmée, elle veut y aller. On va voir. Si elle était sur une grande colère, si la colère était grande au point où elle ne se comportait plus, elle disait n'importe quoi. Naam. Dans ce cas, elle n'a pas d'expiation. Elle n'a pas d'expiation. Cette personne a juré de ne plus parler à sa sœur car elle ne veut pas revenir sur leur droit chemin. Naam. Cette personne n'a pas le droit de ne plus lui parler, mais Naam devra-t-elle prier devant Allah Ta'ala pour lui avoir parlé? Naam, une personne pareille, quand on ne lui parle plus, on voit si ça a donné des résultats, c'est Masha'Allah. Mais si on ne parle pas à une personne et ça ne donne pas de résultats, au contraire, l'autre personne, elle va dire tant mieux. comme ça, elle ne va pas m'embêter, elle ne va pas me parler d'islam, elle ne va pas. Dans ce cas, c'est toi la perdante. Car au lieu de laisser le lien avec elle pour lui parler de temps en temps, ah mais peut-être qu'un jour ça va donner quelque chose, toi tu as juré, tu coupes le lien, ensuite tu la laisses seule. Comme ça, égarée, elle n'entend plus jamais parler, n'entend plus yani, un beau mot qui lui arrive à l'oreille. Donc c'est nous les perdants. C'est pour cela que tu dois voir. Hein, si tu as fait, tu as dit ça sur une grande colère, hein, tu lui parles en, d'abord en nourrissant 10 pauvres, ou bien sinon, si on n'a pas de l'argent, en jeûnant 3 jours. Hein, sinon, si la colère n'était pas grande, hein, si la colère n'était pas grande, mais si la colère était grande, au point où tu savais pas ce que tu disais, par exemple, c'était tellement grand, dans ce cas, tu n'as pas d'expiation. Tu lui parles, c'est tout, et tu n'as ni jeûne, ni de pauvre à nourrir. Allah Azza wa Jal a'lam. Tafadhal. Donc là, on passe à InSpeak. Et donc, c'est au tour de Urti Sonia. Salamu alaykum wa rahmatullah, cher. Si le croyant dans sa tombe a déjà un aperçu de sa destination finale, et s'il voit son œuvre sous une forme agréable, pourquoi s'inquiétera-t-il aussi au moment de la peser dans la balance? Et qu'Allah vous récompense de nous éclairer à ce sujet. Et une sœur ayant beaucoup aimé votre dars de ce soir aimerait le diffuser sur Internet sous la forme de vidéo. Elle vous demande votre permission. Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, pas de problème pour la sœur qui veut diffuser si elle a dans l'intention que c'est pour propager le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ce qui est interdit, c'est seulement de vendre. Naam. De vendre la cassette ou de vendre ce que je dis, de l'écrire et de le vendre sous forme de livre. Al-Muhim. Quant à la réponse de pourquoi la personne dans la tombe, si c'est une personne croyante, et que quand elle va bien répondre à la question, yani, on va lui dire Naam, comme on l'a vu une fois, on savait que tu allais dire cela, et on va lui montrer une fenêtre, on va lui ouvrir une fenêtre qui donne sur le paradis, on va lui dire regarde ta place dans le paradis. Ensuite, il y a un bel homme qui va venir yani, rester avec lui, il va lui dire moi je suis ta salat, ta zakat, je suis tes bonnes œuvres, etc. Comment se fait-il, elle a dit, maintenant qu'il est, mashallah, il est heureux, il est content, il va dire, yani, oh Allah, yani, faites que la résurrection arrive maintenant pour que je retrouve mes parents, etc. et mes biens. Et eux, ils vont lui dire, dors, inshallah ta'ala, comme dort le marié, auquel yani, la meilleure personne de la famille vient de le réveiller. Elle a dit, alors pourquoi demain, quand il va rencontrer Allah ta'ala, et il y aura la balance, il va avoir peur, il va s'inquiéter, je ne sais pas si le plateau va être de mon côté ou là de l'autre, si je vais rentrer au paradis, je vais rentrer en enfer, et comme ça. Pourquoi? La réponse, Inch'Allah Ta'ala, je l'ai dite une fois si vous vous rappelez, j'ai dit que dès qu'on sort de la tombe, dès qu'on entend la trompe, pour qu'on se lève, et qu'on sorte de la trompe, khlas, Allah Ta'ala nous fait tout oublier. Allah Ta'ala nous fait tout oublier. Naam. Sinon, alors personne n'aura peur quand on va rencontrer Allah. C'est-à-dire, tous ceux auxquels on a annoncé la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre de côté le jour du jugement dernier, ils vont dire, nous, on n'a pas peur. Naam. On est là, mashallah, en train de rire, et les gens en train d'avoir peur. Non. Allah Azza wa Jal va nous mettre à pied d'égalité. Tout le monde va avoir peur. Pourquoi? Car tout le monde va oublier ce qui s'est passé dans la tombe. Naam. Et mieux que ça, il va même oublier, avant de mourir, quand il agonisait, quel genre de d'anges sont venus. Les anges du paradis ou les anges de l'enfer. Donc il va tout oublier et recommencer à zéro. La preuve qu'il va tout oublier, c'est que le jour de la résurrection, quand les gens vont attendre qu'il y ait le jugement, ils vont attendre 50 000 années, vous savez. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, et si on allait demandé à notre père Adam de faire quoi? De faire l'intercession. Ils vont aller chez Adam, ensuite Adam va dire « Je suis incapable de cela », il va les envoyer chez qui? Chez Nuh. Nuh va les envoyer chez Ibrahim et comme ça. Vous connaissez le hadith, il est très connu. Les savants ont dit « Naam, si vraiment il n'y avait pas l'oubli, pourquoi il ne serait pas allé directement au messager d'Allah lui demander ?» Car le dernier, Isa alayhi salam, va les envoyer au messager d'Allah. Adam, Nuh, Ibrahim, ils descendent jusqu'à ce que Isa dise « Allez voir le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Donc c'est une preuve que tout le monde oublie. Sinon, les gens iraient directement chez le messager d'Allah et lui dit « Fais-nous l'intercession parce que Adam et Nuh et là, ne peuvent pas la faire. » Mais tout le monde oublie et ils vont aller chez Adam et comme ça. Inch'Allah ta'ala que c'est compris. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Atfadla le prochain. Bonjour Waria, c'est à vous Inch'Allah. Je vous ai enlevé la raide. Bonjour Waria, est-ce que vous êtes là? Donc faites un copier-coller. Faites un copier-coller Inch'Allah. Donc on passe à Urtfila 13 pour éviter de perdre du temps Inch'Allah. Urtfila 13, je vous ai enlevé la raide. Urtfila, est-ce que vous êtes là? Donc on passe à Oumar Ousmane. Je vous ai enlevé la raide également. Oumar Ousmane, est-ce que vous êtes là? Donc j'ai la question Inch'Allah en PV. Assalamu alaikum Shir. J'ai un problème, subhanallah. C'est pas une question sur la Aqida, Oumar Ousmane. Donc la question Inch'Allah je la lis pas. Et si la question est vraiment urgente, il y a le numéro du Shir sur le site. Non mais vous m'avez demandé en PV, vous m'avez pas dit que c'était une question qui était pas sur la Aqida. Donc je vous dis Inch'Allah que la question n'est pas sur la Aqida, donc on la lit pas. Donc Abu wa Sirin, posez votre question Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Donc là c'est la quatrième personne qu'on fait passer et pour l'instant il n'y a pas de question prête. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh. Hayakum Allah. Inna nuhibbukum fillah. Lorsque l'on invoque Allah pour une chose précise, doit-on obligatoirement l'invoquer par un attribut qui correspond à cette invocation? Jazakum Allah au khair, Sheikh, wa hafizakum Allah. Tfadal Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal vous aime comme vous m'avez aimé. Ce n'est pas obligé de choisir l'attribut qui lui correspond. Certains savants comme Cheikh Ibn Uthaymeen et les autres disent que c'est mieux. Ya Rahim Arhamna, Ya Aziz Aizana, Ya Ghafour Akhfirlana, et comme ça. Naam. Mais ce n'est pas obligé, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Et n'oubliez pas de passer le salam à votre fille. À votre fille, naam, qui a assisté, ou là, qui assiste toujours avec nous dans les Doros. Naam. En lui disant que la chose qu'elle m'a demandé, je ne l'ai pas oubliée, Inch'Allah ta'ala. Naam. Quant à la sœur Urtfila, elle peut poser sa question, sa propre question. Pas la question qui n'a pas rapport avec le din. Qui n'a pas rapport avec le dars. Posez votre question, Oumar Ousmane. Donc, Urtfila, elle n'a pas répondu. Donc, Khair Inch'Allah, je vous remets le raid. Si vous n'êtes pas là. Donc, la question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous nous dire où se trouve Gog, le Gog et Magog par rapport au verset qui parle de la barrière que Zul Qarnayn a construit entre eux et un autre peuple, entre parenthèses sur la Telkaf. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'une brèche a été faite dans le mur qui enferme les Gog et Magog, où se trouve ce mur? C'est une question. Jazakum Allahu khayran. Tfadal Sheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je ne connais pas quelqu'un qui sache la réponse. Naam, je ne connais pas quelqu'un de nos jours ou là un savant qui sache la réponse, car la réponse n'a été citée ni dans le Coran ni dans le Hadith. C'est pour ça que ce qu'on sait, c'est qu'ils sont quelque part. Ils sont quelque part exactement comme l'Antéchrist, comme le Messie Dajjal. Où est-ce qu'il est? Il est quelque part dans une grotte attachée avec quoi? Attachée avec des liens. Il attend seulement Yani qu'il s'énerve d'une grande colère pour briser les chaînes et sortir, quand Allah Ta'ala le voudra. La même chose pour Gog et Magog, ils sont quelque part cachés. J'espère qu'ils ne sont pas ici à Blida. J'espère qu'ils sont loin de moi, Inch'Allah Ta'ala. Et ce qui veut dire aussi, ce qui veut dire aussi, subhanallah, ce qui veut dire aussi que yani, on ne peut pas affirmer que toute la terre a été découverte. On ne peut pas l'affirmer. Il y a des endroits même qui n'ont pas encore été découverts. La preuve, où sont Gog et Magog? Ils sont bien sur la terre. Ils ne sont pas dans les cieux. Et pourtant, on ne sait pas où ils sont. Où est l'Antichrist? Où est le Messie Dajjal? Il est bien dans une grotte enchaînée. Et pourtant, on n'a pas encore découvert cette grotte. Où est-ce qu'il est? Subhanallah. Et pour Gog et Magog spécialement, je fais seulement une petite remarque. Certains, ou là beaucoup, croient qu'ils sont sous la terre et ils sont en train de creuser. Non, ils sont au-dessous de nous, et ils sont en train de creuser vers le haut. Or, ce n'est pas ça qu'a dit le hadith. Le hadith a dit qu'il y a une barrière. Il y a une barrière, c'est-à-dire la barrière est en face d'eux, en face d'eux. Il y a une montagne à droite, une montagne à gauche, et entre les deux montagnes, une grande barrière, et ils sont en train d'essayer de la creuser. Donc, la barrière n'est pas au-dessus de leur tête, mais en face d'eux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils sont quelque part comme dans une contrée, ou là, dans une crique, comme ça, une crique, où il y a une montagne à droite, une montagne à gauche, et ils sont enfermés, coincés, et ils sont en train de quoi? De percer. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tfadla. Donc là, on passe à InSpeak. C'est au tour de Abu Daoud. Mouna 82, Inch'Allah, vous pouvez poser, vous baisser votre main, Inch'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Si l'on se repent pour des péchés que l'on a faits il y a quelque temps, seront-ils effacés du livre ou resteront-ils dessus puisque le délai des 6 heures est largement dépassé? Est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous pardonnera ces péchés même s'ils sont toujours notés sur le livre? Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatou. En ce qui concerne toujours, il y a Gog et Magog. Est-ce que ce sont des gens comme nous? La réponse, ils sont les fils de Adam. Ils sont des fils de Adam aussi. Comme dans le hadith, lorsque Allah Ta'ala demandera à Adam de faire sortir sa progéniture. Et il lui dit, de chaque 1999 iront en enfer. Et là, bien sûr, la femme avortera, celle qui est enceinte, le bébé, il aura les cheveux blancs, etc. Ensuite, il a expliqué que ces 999 seront de Yagog, de Gog et Magog. Mais auparavant, il lui a dit, fais sortir la progéniture de l'enfer. Donc, Gog et Magog sont de la progéniture de Adam alayhi salam. Mais ils ne sont pas comme nous. Non, ils ne sont pas comme nous de taille. Ils sont pas, ils n'ont pas un ventre comme nous. D'ailleurs, ils boivent tout ce qu'il y a, ils mangent tout ce qu'il y a, et comme ça, ils ne sont pas comme nous. Nous, on ne peut pas, par exemple, boire un bassin. Eux, ils peuvent boire la mer, ils peuvent boire un bassin, ils peuvent. Et comme ça. Wallah Azzawajal A'lam. En ce qui concerne la question de si on se répand, on se repent pour les péchés qu'on a faits, est-ce qu'ils seront effacés du livre ou resteront-ils dessus puisque le délai de 6 heures est largement dépassé? Naam. Je réponds Wallah Subhanahu wa Ta'ala A'lam. Naam. Il n'y a pas une réponse précise à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, Allah Azzawajal ne va pas nous questionner sur ses péchés, car ils seront annulés. Ils seront annulés. Non. Ou bien ils seront effacés. Ils seront effacés après le repentir. Non. Ils seront effacés carrément. Ou bien ils seront inscrits, mais yani, Allah Ta'ala ne nous demandera pas, comme j'ai dit tout à l'heure, de compte sur eux, c'est-à-dire qu'ils ont été pardonnés. Peut-être que ils vont rester pour que tu les vois et que tu saches qu'il t'a pardonné, pour que tu connaisses la grande grâce d'Allah Azzawajal et sa grande miséricorde. Naam, Wallahu ta'ala a'lam. Tfadhal. Je rappelle, Inch'Allah, il est 20, 23h05. Je pose la question de Jawariya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'en est-il d'une personne qui ne veut pas pardonner fi dunya et fil akhira, entre parenthèses, car cette personne lui a fait beaucoup de mal Est-il vrai qu'elle cela entrait en enfer? Car on m'a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala demandait à son serviteur, l'Yawm al-Qiyamah, s'il voulait ou pas pardonner à son frère, et que s'il ne voulait pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait rien faire pour lui. Entre parenthèses, wa Allahu a'lam. Et en sachant que c'est avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous entrons au paradis, jazakumullah khayran, et encore désolé. Tfadal Sheikh. Naam, je relis, Inch'Allah. Et donc, Inch'Allah, pour les frères et sœurs, donc ce sera la dernière question, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Alors, je relis. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'en est-il d'une personne qui ne veut pas pardonner fi dunya et fi l'akhirah, entre parenthèses, car cette personne lui a fait beaucoup de mal? Est-il vrai qu'elle peut, à cause de cela, entrer en enfer? Car on m'a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala demandait à son serviteur, Yawm al-Qiyamah, s'il voulait ou pas pardonner à son frère. Et que s'il ne voulait pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait rien faire pour lui. Wallahu a'lam. Et en sachant que c'est avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous entrons au paradis, jazakumullahu khayran, tfadal Sheikh. Pour la réponse, je dois faire remarquer deux choses. La première, c'est que Allah Ta'ala aime beaucoup ceux qui pardonnent. Il dit, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et dans un hadith authentique, que celui qui se maintient, il se contient, et il laisse yani, si je puis dire la chose comme ça, la colère dans son cœur, alors qu'il peut, il peut quoi? Il peut se venger, il ne le fait pas. Comme ça dit le messager d'Allah, il a dit, celui-là, Allah Ta'ala va l'appeler devant tous les gens le jour de la résurrection. Tous les gens présents, il dit, toi là-bas, toi, avec son nom, subhanallah, il lui dit, puisque tu as pardonné alors que tu pouvais faire, tu pouvais te venger, tu as pardonné à cause de moi, choisis, naam, tout ce que tu veux des hurlain, des houris. Choisis tout ce que tu veux de ces houris, le nombre que tu veux, masha'Allah, de ces houris qu'il y a ici. Donc il a dit, c'est premièrement. Deuxièmement, si, yani, on n'a pas pardonné à une personne, j'ai eu un problème avec une personne, par exemple, elle ne m'a pas pardonné. Elle a dit, je ne pardonne pas à cette personne. Ça ne veut pas dire que je vais rentrer sûrement en enfer. Et ça ne veut pas dire que je vais être privé du paradis. Tout ce qu'il y a, c'est que demain, Allah Ta'ala va me prendre un certain nombre de hasanat et donner à cette personne qui ne m'a pas pardonné. Ou bien, si je n'ai pas des hasanat, prendre certains péchés de la personne à laquelle j'ai fait du tort, et va me les mettre sur mon dos. Ensuite, c'est la balance. On va voir la balance, qu'est-ce qu'elle donne. Combien j'ai de péchés, et combien j'ai de bonnes œuvres. Ça ne veut pas dire que c'est... Il est possible que c'est à cause d'elle. C'est-à-dire qu'on m'a pris, maintenant les hasanats qui allaient me permettre d'aller au paradis. C'est possible. Mais si je rentre au paradis, je ne suis pas kafir. Je dois ressortir. Un jour, Allah Ta'ala me fera ressortir. Ou alors, si j'ai beaucoup de hasanat, même les hasanat qu'elle va me prendre, il va toujours m'en rester. Si je suis quelqu'un de pieux, etc., et que cette personne n'a pas voulu me pardonner, qu'est-ce que je fais? Alors je dois faire beaucoup, beaucoup de quoi? Beaucoup de hasanat, etc., pour me rattraper, pour me compenser pendant la balance. Naam. N'oubliez pas, inshallah ta'ala, de faire beaucoup de dua à vos sœurs, naam, et à vos frères, et à vos pères et à vos enfants qui sont en Palestine, hein, et qui souffrent le calvaire, et qui souffrent, hein, qui souffrent le grand calvaire, et qui souffrent, qui a dit l'enfer, hein, et on vient de m'apprendre que les Juifs ont entamé des attaques par terre, et par la terre, mais peut-être que, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Ali al-Qadir, qu'il renverse la chose sur eux, qu'il renverse cette guerre sur eux, et qu'ils sortent, naam, et qu'ils sortent battus, et que les musulmans sortent victorieux. Allah Ta'ala, innahu ala kulli shay'in qadir. N'oubliez pas, pendant vos doigts, naam, nous on n'a rien fait. On n'a rien fait pour ceux-là qui sont en train de mourir, qui sont en train d'être tués, qui sont en train d'être blessés. Naam. On n'a rien fait pour eux. La moindre des choses, c'est de faire des doigts. La moindre des choses. On ne fait pas comme. comme font les gens de la bid'a, ils vont dire je vais jeûner ou là je vais on va se grouper, on va faire la prière de la nuit. On fait pas ça. Prière de la nuit, quand je la fais pour Allah. Quand je jeûne pour Allah. Mais on fait au moins des doigts. On fait des doigts. Celui qui peut donner de l'argent, donne de l'argent. Celui qui peut donner des médicaments, donne des médicaments. Celui qui ne peut rien, il fait au moins des doigts. Mais maintenant, si quelqu'un, par exemple, a dit, je sais que celui qui jeûne, que s'il fait des doigts quand il est en jeûne, que Allah Ta'ala lui exauce ses doigts, et qu'il jeûne dans ce sens pour faire des doigts, ça ne fait rien. Ou alors quelqu'un va dire, je me lève pour faire la prière de la nuit, car en faisant la prière de la nuit, Allah Ta'ala descend, etc. Donc dans ce cas, c'est pour faire les doigts aux Palestiniens. C'est permis, ça se fait. Mais on ne fait pas, j'ai dit comme tout à l'heure, certains pays, c'est-à-dire qui disent demain on va jeûner tous à cause de Palestine ou à cause de je ne sais pas quoi. Tout ça, j'ai dit, il y a une grande différence entre ce que disent eux et ce qu'on dit nous, bi'idna ta'ala. Une sœur demande, est-ce qu'on peut donner de l'argent au secours islamique tenu par les Ikhwan qui aident les Palestiniens? Naam, naam. S'ils sont les Ikhwan, s'ils sont les takfir, s'ils sont situés sûrs, il faut être sûr que cet argent va arriver aux Palestiniens. Naam, tu leur donnes. Car les autres, ce sont seulement un sabab. Les Ikhwan, c'est seulement un sabab. Ce n'est pas eux qui vont prendre l'argent. Si tu es sûr que cet argent arrive en Palestine, tu le donnes, Inch'Allah Ta'ala. De toute façon, tu le donnes, même s'il n'arrive pas, tu as les récompenses. Car dans ta niya, c'est pour eux. Maintenant, si les Ikhwan ou là vont le voler, naam, et je ne crois pas qu'ils font cela, naam, tu auras toujours des récompenses, bi'idna azza wa jal. Je vous donne rendez-vous, naam, mardi, Inch'Allah Ta'ala, pour ceux qui me contactent par téléphone, et mercredi, bi'idna ta'ala, pour le dars comme aujourd'hui, et ce sera sur la personnalité de la musulmane, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.